et cet abruti de président qui tente de l'évincer alors qu'il remporte match sur match. Il y a vraiment des présidents qui n'ont rien à faire dans le football. Bienvenue Chantal, bienvenue à toutes les Chantal et toutes les Ch'toubistes et tous les Ch'toubistes, même les plus célèbres, même ceux qui nous ont... C'est Champagne. Chantal Champagne. Bienvenue à tous pour cette 15e saison de Radio Ch'toub. Magnifique, 15 ans, ils sont encore là. Qui l'eût cru? Déjà, qui eût cru que le Racing soit encore là 15 ans après? Mais nous sommes de retour dans une chaleur, une fournaise, hein, le piton de la fournaise, pour commenter cette intersaison qui, elle, plutôt fraîche. Mais on en parlera. J'ai réuni un petit peu les Ch'toubistes qui étaient disponibles. Hein. J'ai pris mon vélo cargo et j'ai fait le tour d'Unedorf et des environs. Il rigole, on va le présenter en premier, c'est Hathor. Bonjour, bonsoir. Voilà. Pas de musique, on en a rien à foutre aujourd'hui, voilà. On est dans le minimalisme, genre, c'est parce que la musique, c'est... La sobriété. Voilà, c'est une éolienne qui meurt. Dans les musiques de J.P. Darky. Voilà, Kittel est là aussi. Bonjour à tous. Merci d'être revenu, tu es en plein changement d'horaire pour pouvoir assister à la décalage horaire pour adapter mon planning au match du Racing. Et à Radio Ch'toub. Et à Radio Ch'toub en priorité. Bien sûr, priorité. Il fait aussi de Radio Ch'toub sa priorité, c'est Luki qui est de nouveau là. Bonsoir. Ah. Bonsoir, bonjour, la dernière fois t'avais pas pu venir. Et effectivement, j'avais un empêchement, mais je sais plus ce que c'était. Mais c'est pas grave. Probablement le Covid. ça arrive, mais pas à Radio Ch'toub. Et le plus grand d'entre nous, il revient de Croatie où il a scouté toute la famille à Thomasson, Roulian. Bonsoir tout le monde. Alors tu disais les 15 ans de Radio Ch'toub. Moi je me rappelle de mes 15 ans, c'était chaud aussi pendant l'été. J'ai des anecdotes mais je sais pas si c'est le lieu, donc je vais peut-être passer. Voilà. Radio Ch'toub plus. Radio voilà. Ch'toub plus. Oui voilà, connectez-vous à Radio Ch'toub plus bien sûr. Vous aurez des anecdotes vraiment hot si vous cliquez. Je suis en train de calculer quelle année j'avais. Ouais, d'accord. Ouais. Ça remonte. Ouais. Où était le Racing à tes 15 ans? Où était le Racing? Pas aux portes de la Coupe d'Europe hein. Donc voilà, parfait, un sommaire de folie, un sommaire plein de questions Minitel, hommage à J.P. Darky qui est en train petit temps, je suis parti trop vite. Ouais, voilà, ah, ouais. Bon, il reviendra, j'espère. Bah, une réincarnation, tout est possible. Alors, Radio Ch'toub saison 15, présentation, c'est fait. J'ai vu des comiques qui font ça, ils relisent leurs notes parce qu'ils n'ont pas de vanne. Nous, on a des vannes. Bilan de l'intersaison. Ça, c'est une bonne vanne. Alors, Mercato, bilan de l'intersaison. Alors, c'est un gros dossier. Sous-dossier, Mercato. Et Mercato, on commence par un sujet qui te tient à cœur, à tort. C'est Frédéric Guilbert. S'il s'appelle Frédéric. Je vais tout de suite commencer par ça. Ouais, Mercato, on commence par les mecs qui ne reviennent plus. Ah, moi je voulais parler du retour de prêt d'Alexandre Pierre, mais on peut parler de Guilbert. De celui de Thierry Hubac. Ça c'est Mercato Bureau. Mercato Bureau, et Thierry Hubac qui remplace Dudul ou Bubu. Bubu. Des coups francs de Bubu. Voilà. Est-ce qu'il pourra faire pire? On ne sait pas. Tout est possible. Voilà. Donc Guilbert, mais oui, c'est vrai. Des gens. Ouais, non, on adore Jean-Michel Buterlin. Jean-Pierre. Encore Jean-Marc? Bon, alors, Frédéric Guilbert. J'ai lu sur le Ch'toub, j'ai introduit un peu, le syndrome de l'ex trop collante. Un brûlot d'Hathor. Un brûlot, ça va, c'est... Qui a choqué la plèbe ch'toubistique. Non, mais après, déjà, on va remettre dans le contexte, Guilbert était prêté 2 années de suite, enfin un an et demi de saison de suite. Voilà, il nous a rendu service, on manquait d'un latéral droit parce que leur dernier fila était un peu juste a priori et que c'était peut-être un gros pari de le lancer titulaire, donc on était bien content qu'il soit là. Il était prêté sans option d'achat par Aston Villa et comme souvent quand il est prêté comme sans option d'achat, il était prévu qu'il parte et qu'il rentre chez lui tranquillement. Et il a d'ailleurs fait un discours à la fin du dernier match. Voilà, en même temps que Cassis, discours d'adieu, voilà. Ou de mini discours, je sais plus trop quoi. Il a fait un discours alors qu'il est resté un an et demi en prêt, alors que Cassie, il a fait 15 ans au club et voilà. Bon, et depuis, il fait un discours tous les jours sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il fait un discours tous les jours. C'est ça qui est un peu le syndrome de l'ex-collante. C'est que t'as l'impression que voilà, lui, il voulait rester, parce que forcément, une fois que t'es vu en Alsace, t'as envie d'y rester, c'est normal. Encore plus au Racing. Alors que voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Est-ce que un transfert de l'ordre de 5 millions d'euros, ce qui serait une somme énorme pour le Racing, enfin, c'est quasiment le plus gros transfert qu'on ait jamais fait en dehors de l'exception Diallo. Opportunité de marché. Oui, enfin, c'est une exception, mais en dehors de Diallo à 10 millions. Alors, je crois que c'était il y avait du Djikou à 4-5 dans ces eaux-là. Djikou, c'était 4 ou 4,5, ouais. Ouais, c'est ça. Plus bonus et tout. Mais du coup, est-ce que le Racing serait prêt à claquer quasiment 5 millions d'euros plus un salaire? Même s'il accepte de le baisser, on serait plutôt de l'ordre de 100 000 euros, ce qui est le plus haut chez nous, à l'exception de la réponse, elle est très claire. Est-ce que le Racing serait prêt? La réponse, elle est non. Non, parce qu'ils n'ont rien proposé. Non, mais déjà, oui, mais ils l'auraient proposé justement parce qu'il n'y a pas de logique économique à faire ça. Enfin, tu casses pas ta tirelire pour un latéral droit, c'est pas le poste le plus exposé. Tu fixes 100 000 balles à un genre qu'un Thomasson, oui, là d'accord. Mais pas Gilbert. Et puis c'était très clair, il était prêté un an, il rentre à la maison. Si tant est qu'ils avaient imaginé un jour de le faire prendre, je sais pas si Aston Villa c'était les soldes avant les soldes et qu'ils avaient bradé le truc à 1 million, pourquoi pas. Oui, après tu lises le salaire, et oui. Comme dirait Marc Heller, on se met autour de la table et on discute. Et on lise le salaire, on essaie de voir et tout ça. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Aston Villa, ils ont peut-être juste envoyé une missive et le mec leur a dit c'est 5 pour commencer à discuter. Ils ont dit ok, frein à main, merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Merci, mais non merci, quoi. Alors, on a envoyé, alors. Ouais, je sais pas ce que je veux dire. Mais juste aussi, en termes de raisonnement économique, vraiment, avec les investissements et tout ça. Donc Gilbert, c'est un peu en dehors de ce qu'on peut faire, et c'est pas raisonnable. Mais aussi, le Racing, alors c'était à l'époque, avant qu'on sache que Fila avait sa fibalgie et que ça mettra un peu de temps à revenir, mais l'an dernier, on a quand même mis 1,5 million sur Fila. Donc on fait un investissement un peu à long terme, puisqu'il avait signé 4 ans. Et si tu recrutes Gilbert, du coup, Gilbert, tu le fais signer 3-4 ans pareil, tu bloques complètement Fila, et ton investissement d'1,5 million, tu l'as fait pour rien. Alors que si ouais, tu bon, peux... ça c'est une logique purement oui financière. Là c'est purement économique et si à un moment donné au bout d'un an tu te rends compte que le mec que t'as pris c'est un charlot, t'es obligé de reprendre un autre qui est pas un charlot, quoi. Ouais, mais qu'importe ton 1,5 million, c'est pas vraiment un charlot, enfin on l'a jamais vu. Non, mais ouais, bah, justement, mais c'est à un moment donné ils auraient pu se dire putain ouais, en fait le mec il vaut rien et il faut prendre un mec qui veut lui passer devant, et celui-là on va essayer de le truc. J'ai un très bon exemple, Mahamessimi qui est parti machin, il est venu, ouais il va faire le taf, finalement on s'est rendu compte qu'il faisait pas le taf, on l'a prêté, il est revenu, on l'a vendu en Suède, il s'est fait les croisés ou je sais pas quoi là. La hanche. Ah la hanche, ok. Enfin il s'est blessé gravement et Marco l'a vendu pour une somme... 1 million d'euros. Alors Marco, je te tends la perche pour le mettre. Oui, c'est bien, c'est... Voilà. Et, voilà. Et donc du coup c'est à un moment donné, tu peux aussi te dire que t'as raté ton recrutement. Tout simplement. Après, Villa, je pense que l'idée, c'était de voir ce qu'il vaut vraiment, parce que l'année dernière, on n'a pas essayé. Vraiment. Mais on le saura jamais, en fait. Parce que là, au bout de 2 ans, il aura rien joué. Ouais, c'est ça. Alors, on sera à la moitié de son contrat, et on aura toujours l'idée, on saura pas super potentiel, machin. Non, mais il a montré des belles dispositions offensives. Ouais, c'est très, très, très, très virtuel. Oui, non, mais virtuel, mais c'est quand même quelqu'un qui se projette. Je pense qu'ils ont pris, comme son pendant, qui était scruté l'an dernier, Arkadiusz Rzeca, le mec qui a fini à, l'HPDIA, comment dire, je pense qu'en fait c'était un petit peu ce qu'il voulait, un profil un athlète, un gars qui est un peu marathonien de son côté, qui s'est bien centré, qui propose des décalages. Moi je me souviens du match contre Brest à la fin de saison, Fila était très intéressant. Oui. Moi j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait, il avait juste pas un match entier dans les cannes, mais c'était vraiment un bon joueur. Mais c'est ça, je pense que l'idée d'avoir pris Gilbert l'an dernier en prêt, c'était d'avoir une alternative crédible. Tu laisses Fila un an tranquille, un peu dans son nom, il apprend un peu le français, il s'adapte et tout ça. Et derrière, tu le titularises. Là, manque de pouls, on a eu cette pubalgie. Donc voilà, maintenant le Racing a dû rebondir, mais ça passait pas en... C'est peut-être trop bien intégré. Un double rebond, si tu veux. Syndrome Prince. Voilà, exactement, du coup, tu l'enlèves de la bouche, le syndrome Prince. Tu rebondis pas en reprenant Gilbert à coup, en faisant un investissement énorme pour le club. Tu prends deux prêts. Enfin, initialement, tu prends Dagba pour doubler Fila et avoir une vraie concurrence entre les deux. Phil Aspect, bah tu prends ce qui reste sur le marché, tu prends Pierre Gabriel en plus et voilà. PRG. De toute façon, on a pris un Dagba qui est déjà blessé aussi. Non. Alors, en phase de réathlétisation. Donc Dagba, qu'est-ce qui se passe? Allez, les gens veulent savoir. Alors ça, moi je veux. Il y a quelque chose qui m'énerve. On prend ce mec. Le mec, il a pas joué la dernière. Ok, c'est un fait. La saison, les entraînements démarrent au PSG, tu sais pas comment c'est, hein. Les entraînements, tu sais pas s'ils ont un lot, machin, ouais, c'est un peu à la carte. Ok. Ils reprennent plus tard. Hein. Il arrive pendant le stage à Divonne les Bains. Donc il fait un peu de physique, notre ami Dagba. Le mec, même pas 10 minutes, même pas 20 minutes d'un match, il est en réathlétisation. Je prends un type d'exemple. L'autre que je sais pas comment il s'appelle. Il a un nom trop. Pierre Gabriel. Voilà, je suis trop compliqué. RPG. Le mec, il était à Brest, il est retourné à Mayence. À Mayence, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû courir un peu dans un coin. Il vient à Strasbourg, on dit, bah, il joue pas tout le match. On se doute. Mais à Anfield, le mec, il rentre un quart d'heure, 20 minutes. Une demi-heure. Il fait un morceau de match. L'autre, il est pro. Il a pas joué une putain de minute en prépa. Sa réalisation? Le mec, il avait une jambe de bois. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Il était dans un camp de cirque l'an dernier. Où il a appris à faire des bolasses, probablement à jongler, et je sais pas, enfin, il s'entraînait à porter des trucs pour le carnaval de Rio, je pense que c'était vraiment son activité principale, mais c'était tout sur le jeu. Si le mec, il lui faut 2 mois pour retrouver un niveau digne de la Ligue 1, c'est pas la même façon. Tous les joueurs qui ne jouaient pas au PSG, ils foutaient rien de la saison. C'est peu probable. Mais si un Draxler retrouve un club ailleurs, il va lui faire 2 ou 3 mois pour se réhabituer à jouer au foot. Bah en fait, c'est le foot quand c'est énervant. Ouais, non, mais c'est énervant, mais c'est l'état du foot. Parce que juste. T'as l'article aujourd'hui de ce soir où Stéphane nous dit qu'il est pas prêt pour jouer le premier match de la saison. Non, mais. Et le mec, ça fait 5 semaines qu'il est là. Juste pour finir sur Mais vu qu'il a pas joué une minute, il va pas faire une minute en championnat. C'est assez logique. Mais c'est quand il va jouer? Je sais pas, on va attendre. La saison va être longue. On va attendre un amical. Parce que c'est le principe, c'est que. L'amical contre Versailles. Si tu fais pas jouer parce que t'as pas encore joué, et tant que t'as pas joué, tu peux pas rejouer, quoi, tu vois. Il y a un match amical contre Versailles le lendemain de Monaco, dimanche. Pour les coiffeurs. Voilà. Ils jouent en fait là. Non, mais juste pour venir sur le PSG. Ah, le PSG reprend toujours sa saison, enfin la préparation de la saison, quelque chose comme 2-3 semaines après les autres. Ils font un peu de tennis ballon les premiers jours, et après ils font une tournée à l'autre bout du monde. C'est ça la préparation du PSG. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'ils gagnent pas la Ligue des Champions en fait. Ah oui, c'est bizarre, oui. Mais... Ouais, enfin, cette signature. Alors que le gamin, il y a 2 ans, quand il jouait plus, je trouvais que c'était un joueur à potentiel. Et je me dis, celui-là, bon, c'est encore un mec du centre de formation de PSG qui n'arrivera pas à percer à Paris, mais qui potentiellement peut signer comme Nkunku dans un bon club et émerger. Donc, moi, j'y vois fondamentalement un bon prêt parce que c'est un mec à potentiel. Mais si le mec il délie son potentiel à partir de novembre, je pense que ça sera là avant, parce que si le Racing l'a pris, c'est que ils ont sondé son état d'esprit avant. Et je pense que c'est une des constantes de ces recrutements des dernières saisons. On prend plus n'importe qui. Je trouve que les erreurs de recrutement sont quand même de plus en plus rares. Il y en a quelques-unes. Mais c'est normal. C'est normal, c'est le foot. Oui. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas des erreurs de recrutement. Il n'y a pas de grand cire. Oui, voilà. Il n'y a pas de grand cire. On se rend compte que Persic, en fait, c'est un bon joueur. Bon, on en parlera peut-être plus tard. Mais il n'y a plus de vraies erreurs de recrutement, comme ça aurait pu être le cas à une époque où on prenait un Guémandia pour 2 millions d'euros. Alors que maintenant, quand on prend un gars, ces 2 millions, c'est pour Ajorque. Là, on prend le Dagba en prêt, sans option d'achat. Donc, on est lié par rien. C'est un investissement somme toute mesuré pour un jeune qui peut avoir un bon potentiel. Et finalement, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la mentalité de ce gars, de ce que j'ai pu voir dans la vidéo de Free, que j'invite tout le monde à voir, parce que il a une capacité d'autodérision alors qu'il se fait sérieusement tracher pendant 11 minutes. Oui, c'est pas ce que j'ai non. C'est quoi la vidéo? En fait, c'est un journaliste de Free qui en fait lui pose pas de questions, qui lui dit globalement, en fait, t'es nul, pourquoi t'es là? Qui répond très gentiment avec beaucoup de politesse, et le gars en face se fout de sa gueule, mais il répond avec beaucoup d'humilité, et je trouvais ça rafraîchissant quelque part, et je pense pas que ce soit un con. Là, il va peut-être apprendre le professionnalisme à Strasbourg, grand bien lui en face. C'est un mec qui vient du monde amateur, en fait. Hein. Il est arrivé au PSG à 18 ou 19 ans. Il a rejoint l'équipe des U19. Mais auparavant, il était à Boulogne-sur-Mer. Il jouait en réserve de Boulogne-sur-Mer. Et il a quand même gratté quelques matchs de Ligue des Champions. Donc. Ouais. Pourquoi pas, enfin, je serais pas aussi dur que toi. Moi, j'ai envie de voir, mais j'ai envie de voir vite, quoi, parce que ça me. Alors, même si on a RPG Bidule là, qui va sûrement faire le boulot, en attendant que un jour, peut-être, Fila livre la marchandise et qu'on se pose la question, et pas qu'on se retrouve en mai prochain avec la même question qu'on s'est posée là. Bah, on l'aura. Est-ce que Fila, on l'aura, c'est le joueur. On sait pas trop, la pubalgie, c'est un truc tenace, on sait pas trop quand il pourra revenir. Tu parles de Nordin Cornil là aussi, qui avait aussi une pubalgie, ouais, et qui a du coup un quadri maintenant qui revient. C'est un peu la même zone. Enfin, je sais pas, c'est. Mais pour Fila, il reste pas mal d'incertitudes et le fait qu'il y ait maintenant deux mecs. Ça lui fait deux bâtons dans les roues supplémentaires parce que déjà Gilbert il n'avait pas réussi à s'en défaire. Gilbert était quand même largement au-dessus et il avait cette aura ou ce côté leader. La hype Gilbert. Ouais, oui, c'était pas seulement Bah, il faisait les roulades. C'était pas seulement du folklore. C'était quand même un joueur qui a été actif dans le maintien lors de la période de la bonne saison aussi. Et lorsque le public est revenu, Gilbert a incarné cette équipe. C'est pour ça que je comprends pourquoi il y a eu pas mal de regrets quand on départ de Gilbert, même si le départ était prévu. Donc effectivement, ça ressemble beaucoup aux regrets de Gonzalez Martinez à l'époque. Dès que ça va pas tourner, on va dire hey, Gilbert, enfin les gars. Et si ça se trouve, Fila va exploser en deuxième partie de saison, on aura oublié Gilbert. Moi, le premier, je le souhaite, mais j'ai comme un doute. Voilà, Fila, ça fait un an qu'on attend. On lui laisse le temps. Là, il est blessé. Bon, d'accord. Ça arrive. Je suis quand même très, très Fila sceptique. Mais c'est vrai que le poste de latéral droit, on aura un gros débat en mai prochain. Ouais. Quoi qu'il arrive. Si on a un joueur qui joue cette saison. C'est pas vrai. Là, pour l'instant, sous contrat, on a 4 arrière droits. On est bien. Il y a Senaya encore. Il est encore en stagiaire. 2 ans stagiaire, mais on a 4 mecs. Sinon, t'as Ilias Bounassir encore. Enfin, t'en as. Mais voilà. Anthony Toumagnon. Voilà, donc il y a des joueurs, donc pour jouer le poste, on aura des mecs. Est-ce qu'on aura des mecs valides et qui sont bons Mystère. C'est compliqué. Donc RPG, un petit mot. Voilà, il est. Bah, lisez l'article. Voilà, il a comme un parcours assez solide. Beau bruit. Il a commencé à Saint-Thé. Très jeune, ouais. Comme beaucoup, il fait partie de ces gens que Monaco a pris en se disant il y a des chances qu'ils deviennent bons et qu'on puisse le faire une culbute. Finalement, ça n'a pas trop marché. Roulade, on t'a dit que c'était Gilbert. Voilà, c'est Gilbert qui a fait. Essaye de suivre. Et finalement, Monaco a pu le vendre à Mainz pour pratiquement la mise qu'ils avaient faite pour Saint-Étienne. Ensuite, Mainz, finalement, eux aussi, ils font un peu du trading. Ils prennent des jeunes, ils essaient de les valoriser. Comme tout le monde, ouais. Un peu comme tout le monde. Voilà. Donc Mainz, avec Cassie, d'ailleurs. Cassie, oui. Et s'ils n'arrivent pas à le valoriser à 0 euros, ça va être compliqué. Il n'est pas très jeune, Cassie. Comme Strasbourg avec Gilles. Il n'est plus trop jeune. Voilà, donc Gabriel qui a fait quand même deux saisons après. Deux saisons après. Donc c'est plutôt une valeur sûre pour la Ligue 1. Genre, ouais. On est le mec qui va faire le boulot, ce sera peut-être pas Guibert. C'était un des bons arrière-droits de la saison dernière, notamment, avec Der Zakarian. C'était un des hommes de base de Der Zakarian. Et ils auraient bien voulu le garder. Ouais. Hein, apparemment, moins offensif que les standards habituels ou modernes. Bon, je sais pas si le nombre de passes décisives n'est pas forcément significatif ou représentatif de la qualité offensive. On enchaîne un petit peu, comme dirait Thierry Leroy. Sur les arrivées et les départs. Là, j'ai un nom, Delaine. Un chassé croisé. Ouais, Delaine. On a un petit peu parlé, puisqu'il était dans les tuyaux depuis longtemps. Il a signé en avril. Je vais écouter. Certains disent même qu'il aurait coulé le FC Metz. Je ne sais pas qui a dit ça, mais j'en suis intimement persuadé. Donc lui, c'est censé être le joueur, le porteur d'eau de Ligue 1, le mec pro. Ballon d'eau fraîche. Voilà. Il était paysagiste. Pas très longtemps. Est-ce qu'il a refait le jardin à Dimitri Lienard? Non, peut-être c'est ça. Ils vont parler de brouettes et de choses comme ça. Donc, a priori, c'est une bonne recrue, c'est pas fou, mais ça fera le travail, c'est ça. Bah, c'est le remplaçant de Cassie. C'est un bon joueur, hein. Ouais. C'est un bon joueur, hein. Ouais, mais il a fait une passe D en match amical de mémoire. Ouais, en Allemagne, là. De son pied gauche, en plus, alors qu'il est droitier. Il est droitier, ouais. Ouais, c'est. C'est comme Cassie, en fait, c'est un droitier qui joue à gauche. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que Stéphane, il a aussi cette idée de varier les centres. Cette palette. Ah ok, j'étais vraiment persuadé que c'était un gaucher. Mais il a un pied gauche. quand même. Oui, comme bon, pour pas tomber dans l'escalier, c'est pratique. C'est mais... ça. En fait, j'ai peut-être digressé, mais moi, ça me semble fou que des joueurs de foot professionnels n'aient pas les deux pieds. Je me dis, tu fais quand même ça toute ta journée. Mais, voilà. Mais alors maintenant, est-ce que ils sont payés pour ça, je dire, mais voilà. Hein. Ouais, mais Nadal, il joue au tennis et s'il joue la main droite, et il joue ça toute la journée. Hein. Je suis désolé. Hein. Mon mec, quand tu fais un truc, tu peux jouer de la main droite. Nadal, Nadal est pas droitier justement. Bon, alors j'ai pris Nadal, t'en prends un autre, tu prends un droitier, tu lui demandes de jouer à gauche. Bah t'as des joueurs de foot qui sont gauchers et qui signent la main droite par exemple. Je voulais. Habib Diarra, il est droitier du pied et il est gaucher de la main. Oui, moi aussi moi je suis gaucher du mien et je joue au tennis de la main droite, mais voilà. Bah, ça arrive. Tu peux être deux mains gauches. Voilà. Attention, ne bricole jamais. Mais tout ça pour dire que ouais, non, c'est intéressant. Je savais pas du tout que Delaine, il était. Donc Delaine, on est. Bah Delaine, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'il est avec, comment ça s'appelle, Lienard, plus ou moins. Ils vont peut-être se partager les matchs. Lienard à domicile, de l'année extérieure. Le grand classique. Lienard, il a 34 ans là, 35 l'an prochain. Donc c'est sa dernière année de contrat d'ailleurs, Lienard. Ouais. Question Minitel du Stouff que je reprends un peu sans la connaître par cœur. Ouais. Ça c'est Faco 68. Dans l'après-midi, qui a demandé est-ce que les joueurs n'auraient pas tendance à se dire que Lienard n'a plus le niveau, qui considérerait que Lienard tire un peu l'équipe vers le bas ou un truc comme ça. Alors, je n'ai pas cette question pour ses coéquipiers, mais vous n'avez pas cette question. Je m'en souviens. Lienard, pour ses coéquipiers, peut-être qu'il est cramé, mais pour ses entraîneurs, et quand même, je compte quand même sur Julien Stéphan, sur son professionnalisme, pour pas titulariser un mec juste parce que il a marqué un but. Parce que c'est la mascotte. Voilà. Je pense pas que ce soit le cas. Il l'a pas fait avec Romain Danzé non plus, à la fin de sa carrière. Donc à un moment donné, même l'année dernière avec Strasbourg. Mais voilà, Lienard a pas tout joué. Et Lienard jouait parce qu'il était bon. Et le moment où il voyait que Lienard tirait la langue, Lienard était sur le banc touche. Voilà, c'est ça. Et Cassie n'a pas joué non plus certains matchs parce que Cassie était moins bon, parce qu'il y avait le jeu de la concurrence et parce que Lienard fait tout à fait le travail. Et Lienard, je pense que contrairement à beaucoup d'autres joueurs de Ligue 1, Lienard, vu qu'il est arrivé sur le tard, a pris à cœur tout le travail tactique. Ce que beaucoup d'entraîneurs aiment bien, Lienard dans le replacement. Il avait Loré à côté de lui pendant 5 ans. Ouais, il a progressé avec Loré. Mais il a vraiment appris à la dure. Il a appris à la dure, il s'est fait taper dessus. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Mais ça reste un des gars tactiquement qui est très intelligent. Quand on dit apprendre, t'as bien raison de le préciser. Hein. Évidemment, c'est pas son poste de formation, c'est pas là où il s'est épanoui. Avec le temps, il a reculé sur le terrain et maintenant il joue dans ce rôle de piston arrière gauche, vous l'appelez comme vous voulez, où il faut qu'il trouve ses marques aussi. Quoi. Il y a même il y a 3-4 ans, il était venu dans le local de la fédération des supporters. Où Gigas était là aussi, je crois. Toujours pour Dimitri. Voilà, toujours pour Dimitri. Il était éméché, Gigas. Il était éméché sans doute. Autant que Lienard. Et Lienard lui disait, du coup, il avait 31 ou 32 ans à ce moment-là. Et il disait, ouais, maintenant à mon âge, plus jamais je joue sur le côté, maintenant je reste dans l'axe et tout. Et Stéphan l'a dit, tu vas jouer piston gauche, le poste où tu cours le plus en fait. Dans un 3-5-2, ouais. C'est lui qui court le plus. Et il fait le boulot. Ouais, mais tu sens quand même sur la qualité de centre que ces dernières années, c'est plus que c'était. Hein. Ah oui. C'est le seul petit écueil que j'ai à ce placement, ce replacement en tant que piston gauche, c'est que on sent voilà maintenant qu'il perd en lucidité au moment de centrer, sa patte gauche elle est plus qu'elle l'était non plus. En revanche, c'est un gars qui va toujours venir courir, faire les 10 mètres pour se replacer. Couvrir l'espace quand il y a une attaque, dire à son copain, à son coéquipier, non, il faut que tu prennes cette touche, il n'hésite pas à parler, quoi. C'est un leader. Voilà, c'est ce qu'on attend de Dimitri Lienard. C'est sa dernière saison, on verra s'il a encore le niveau pour en prolonger ce congé de 5 saisons, quoi. Alors, j'ai lu dans un article putaclic, genre que Lienard était sur le départ, qu'il avait contacté, il avait demandé à voir Stéphan pour savoir s'il aurait du temps de jeu et qui potentiellement il cherche à partir. Bon, c'était un article de merde, genre je sais plus quel site tout pourri. L'homme du match, non ? Ouais, l'homme du match. Oh putain. Voilà. Mais derrière, il y a quand même un truc intéressant. Est-ce que Lienard aura assez de temps de jeu ? Il avait aussi dit à la fédération des supporters que lui il voulait pas jouer les mascottes. Et juste parce que genre faire des bouts de match, il veut jouer le maximum, profiter au maximum de la carrière, même s'il doit descendre d'un niveau pour avoir plus de temps de jeu. Lui, il veut jouer tant qu'il peut. Et ben, ça, il jouera cette année. Hein. Ça me désole, je suis en train de me dire que pour l'après-carrière, il veut pas le poste de Storky. C'est ça que t'es en train de dire. Non, mais c'est Ronald Pierre-Gabriel, Storky. Hein. T'avais pas vu la vidéo? Non. La vidéo de présentation de Ronald Pierre-Gabriel. Et il sort du costume de Storky. Il sort du costume de Storky. C'est vrai. Les auditeurs l'ont vu. Vous ne... Moi, je suis resté sur le métaverse de Mark Keller pour Dogma, et j'avoue que là, je suis encore freeze, tu vois, genre. Moi, je suis resté sur le maillot floqué de travers de Pierre Gabriel, là, et qui doit coûter 20€ de plus à floquer, parce qu'il y a deux noms à floquer. Putain, mais, ils pensent à ça, les parents, ça quand leur gamin devient foot pro, ça coûte deux fois plus cher pour faire floquer les maillots, bordel. C'est n'importe quoi. C'est une petite sélection de... Mais en tout cas, si on revient sur Lienard, il jouera cette année, et voilà, il partira peut-être à la fin. D'accord, donc pour vous, pas d'inquiétude. Il ira au SC Colmar. Parce que... Ou à la SM Belfort. Il faut avouer que si Lienard quitte le Racing et que Gilbert n'est pas repris, il y a des suicides en Alsace. Il y en a déjà pour Gilbert. Hein. Gilbert, un amoureux du club. Bah oui, bien sûr. Ouais. Comme Pablo Martinez. Sur les doigts de la main de Philippe Croizon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, mais si Lienard il arrête sa carrière, il quitte la méno, il y a des mecs qui s'empalent sur les grilles de la méno. Bon, profitez-en, il y en aura bientôt peut-être plus. La génération Racing n'a connu que Lienard. Mais moi, j'ai juste peur d'un truc avec Lienard, c'est que cette fameuse saison de trop, un petit peu comme, toute proportion gardée, mais Cristiano Ronaldo, qui c'est vraiment bien inférieur à Lienard. C'est vraiment. On va plutôt dire comme José Saez, quand il quitte Valenciennes pour aller à Caen. À Caen, ouais. Et ça donne rien du tout. Et Valenciennes descend. Et... C'est ça, Lienard, c'est un joueur de club. Et de toute façon, c'est marrant parce que toutes ces rumeurs qu'il envoie dans d'autres clubs, en vrai, Lienard, il a toujours dit qu'à un moment donné, il voulait un dernier gros contrat. À Strasbourg, il l'a eu à un moment donné. Ça fait 5 fois qu'il a son dernier contrat. Maintenant, c'est bon. Enfin, il va plus. On dirait Scorpion qui fait sa dernière tournée. Tous les ans, c'est la dernière tournée de 20 ans. La tournée d'adieu. L'année prochaine, renouveau pour la tournée d'adieu. Ah, mais j'ai juste peur qu'il devienne un peu aigri et qu'il n'y arrive plus, qu'il le sente et que ça pourrisse tout. Mais je pense pas. Il fera capot. Il fera capot alors. Ça, c'est un bon gars, il le fera pas. Mais bon, voilà. C'est ma seule crainte par rapport à ça, par rapport à... Et du coup, à part les arrivées, on a raté quelqu'un dans les arrivées? Aoulou Perrin, les arrivées un peu... Ouais, confirmées. Là, vous jouez sur les mots, là. Ouais, hein. Et sinon, les retours de prêt, Aoulou et Perrin, ça a quand même coûté 4,3 millions. Ouais. Le prix de Gilbert. Hein. Le prix de Gilbert, ouais. Et t'as deux joueurs. Et c'est surtout Aoulou qui coûte cher. Ouais, en fait, c'est ce qui nous a coûté cher. Bon, on l'a vendu 14. C'est la vraie question. Est-ce que lui nous a coûté cher? Parce qu'à mon avis, on a quand même gagné de l'argent sur ça. Ah, mais c'est même certain. Ouais. Et l'an dernier, on a payé le prêt 1 million d'euros quand même. Donc il faut aussi mettre ça dans. Ah, c'est prépayant. Ouais, l'an dernier, ouais. Et sinon, en retour de prêt, il y a Binguro Camara. On me demande souvent. Que devient Binguro Camara? Bah, rien. Il a joué contre Sion. Mais avec Sion? Non. Avec Rectars. Sinon, il y avait aussi Lebo Motiba qui est revenu de prêt de 3. Qui s'entraîne normalement. Zéro minute. Et dont la cote a remonté depuis hier, a remonté en flèche. Ah. Bah oui. Ah oui, parce que hier, on a eu un départ. De Saï, ouais. Le départ de Saï qui a été prêté à Annecy. Oui. Et du coup, ça veut éclairer. Et ce matin, dans les DN, notre ami Stéphane qui nous explique clairement qu'il y a un trio d'attaquants et qu'il y a Lebo et que du coup, il y a un quatuor et que ça suffira la saison avec 4. Très bien. C'est-à-dire que son action a remonté d'un coup, Lebo. Alors qu'il n'a pas joué la moindre minute. On a remis de l'essence dans le groupe électrolyte dans le générateur. Ah, ça serait tellement beau. Ouais, mais c'est pareil. Moi, je pense que Motiba, quand il est arrivé, c'était un excellent joueur, quoi, un buteur extrêmement efficace. Et la saison dernière, il fait une douzaine de matchs à 3. Bon, il fait pas un match en entier, mais il fait sa douzaine de matchs à 3. Il met 2 buts. Dont un penalty. Voilà. Mais s'il fait la même chose cette année chez nous, c'est très bien. Hein. C'est un bilan Quaris, en fait. Saï, l'an dernier, a joué 123 minutes. Waris n'a pas dû jouer énormément non plus. Donc, je pense que Motiba, il peut prendre ça. Et après, s'il te reste encore quelques minutes à distribuer, tu as des Canuté, des Suzo, des Dany Jean qui sont là pour ça. Enfin, on a les trois attaquants qui restent, Ajorc, Diallo et... Et Motiba, c'est quand qu'il est en fin de contrat parce que... On l'avait prolongé avant de prêter. Bio, Motiba. Oui, Motiba avait été prolongé. Il n'y avait pas le deal avec Lille, il était tellement obscur là... On doit leur reverser, je sais pas trop. Non, c'était Lille avait annoncé qu'ils avaient une option de rachat. Nous avons démenti. Ils avaient une option de rachat et Stéphane Godin, qui est l'agent de Lebo Motiba, a dit que non. Et démenti par Mark Keller himself, on y avait aussi. Oui, parce que Lille, à l'époque, c'était Gérard Lopez, le président, qui, on en parlera peut-être plus tard, mais est habitué aux promesses qui tient. Et aux contrats opaques. Voilà. Ah bon? Il a quand même réussi à faire remonter le club en Ligue 2, omettant par là même de préciser qu'il l'a fait descendre. Enfin bon, voilà, c'est... Donc, alors, donc, il y avait Superdohu, hein, qui demandait, faut-il laisser Camara libre? Pourquoi pas, voilà, c'est un service rendu à la nation. Il a gagné la Coupe de la Ligue. Mais franchement, il a gagné la Coupe de la Ligue. Moi, je pense, rien que pour ça, il a mis en main. J'aimerais bien s'engager, tu sais, dans l'équipe de la Légion étrangère, tu vois. Il y a un autre gardien qui aurait juste deuxième question, attends, mais après, que faire de Motiba? On vient d'y répondre, voilà. Donc on a répondu à Superdohu. Vas-y. Un autre gardien qui revient prêt, qui aura encore moins de temps de jeu que Bingo, c'est Alexandre Pierre. Donc, il revient de Annecy. Qui revient de Annecy, qui avait été prêté à Annecy, il a fait 0 minute là-bas. Et il est pas reparti. Ah, super prêt. Il a fait quelques bons, en national. C'est cool. Déjà pas mal. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il est toujours pro, il lui reste 2 ans de contrat, je crois. Alors pourquoi il a pas joué? Parce qu'il est barré, Il y a déjà 4 gardiens, et lui, c'est le 5e, et il est nul, donc il n'y a pas de place pour lui. Et il jouera pas. Il ne peut pas jouer avec la réserve, il jouera pas. Exactement, voilà. Donc, et c'est le mec qui venait de Bastia? Non, Alexandre Pierre, il venait d'Angers, ouais. Il a fait Laval, Angers, il est arrivé pas la saison dernière, la saison d'avant, pour la réserve. Je crois qu'il avait déjà fait quand même quelques matchs amicaux, ou... Oui. L'été dernier, il avait peut-être déjà fait une connerie ou un truc comme ça. Je me souviens un match alors réserve, à la réserve contre Colmar là-bas, il fait 2 cagades monstrueuses. Ouais. C'est voilà, il est pas terrible. Donc il lui reste uniquement la reconversion en tueur en série en fait. Ça. Mais en tout cas, on a Robin Risser en numéro 3 qui sera bientôt numéro 1 au départ de Sels, qui ira en équipe de France et voilà. Risser que nous avons vu à Divonne-les-Bains pour les présents. Alors pourquoi on a le dégustateur? Bah, Bélarouche est très bon aussi. Ouais. Alors pourquoi on en a tellement en fait? Parce qu'on forme trop de qualité. Hein. On a un formateur de gardien exceptionnel. Ah oui, Stéphane Cassard? Le Black Cat? Non, Simon Pander. Ah oui, un Allemand. Ah voilà, bien sûr. Centre de formation responsable. Simon Panzer? Évidemment. Donc voilà. Bon alors on va boucler le mercato parce que l'émission est longue et animée. Est-ce qu'on parle des faux départs? Oui, alors oui, attends, question de Rose 3. Ah. Question de Rose 3. Question numéro 3 sur 9 de Rose 3. Ajor Djikou, c'est bientôt fini. Donc le ton dans la question, il y a déjà la réponse. C'est fini quoi, fini le feuilleton ou fini leur vie au Racing? Je ne sais pas, ça c'est faux demander à Rostra. Non, l'agonie de Djikou est assez longue. Ouais, mais c'est triste. Hein. Enfin, je pense que le joueur en soi, c'est pas un con quoi. C'est pas un mauvais bougre. Non, c'est pas un mauvais bougre. Mais ça dépendra de la saison, on pourra juger vraiment si c'était... Oui, il partira libre, il prolongera pas. Oui, non, mais sans doute, mais il aura peut-être une saison entre-temps qui pourra peut-être... C'est bien mal ternir mal, des Marc Keller. Qui pourra ternir son bilan racine. Si l'Olympiakos, voire le Panathinaikos, ou n'importe quel cause... 500 000 drachmes anciens. Il partira libre contre 800 000 euros. c'est exactement ce que j'ai dit. Ali Massol, comme d'autres. L'AEK à Athènes, oui. Il y a Trabzonspor qui le suit déjà pour cet été, hein. C'est pas mal. C'est le champion de Turquie. Ben c'est ça, il joue avec des gens. Et Trabzon, ça a l'air d'être une jolie ville. Je connaissais pas, j'ai vu des photos. Sur la mer Noire, ouais. La mer Noire. La photo, ils ont la mer Noire, un endroit très sympa en ce moment. Il y a des milliers de bateaux. C'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est le blocus russe, ça. Ouais, par exemple, un joueur mené en bateau, c'est parfait. Voilà, donc. T'as des informations à nous donner sur le vrai faux transfert à Hoffenheim ou... Bah, j'ai fait un schéma parce que c'est assez clair. Ah, bah oui, le schéma. Ça, c'est pour les auditeurs ou à la maison. Ouais, c'est visuel. Non, mais c'est pour moi parce que. En fait, il y a plusieurs versions qui sont sorties. Oui, contradictoires. Oui, un peu contradictoires. Et même la version ch'toubiste de chaque mec qui rajoutait son interprétation. Ouais, avec les pourcentages et tout. Après c'est pas très compliqué, mais ça montre surtout que le monde du foot est complètement pourri. Oui, ouais, c'est surtout ça, pourri par l'argent. Donc en fait, tout simplement, à la base, bah t'as le Racing qui cherche à placer Djikou, hein, qui cherche à le vendre clairement. Donc pour sonder un peu des clubs allemands, puisqu'il y avait des intérêts allemands qui montaient, bah ils ont établi ce qu'on appelle un mandat club, c'est-à-dire qu'ils chargent un agent ou une boîte d'agents de faire jouer leur relation pour sonder les clubs. Donc en l'occurrence, sur le marché allemand, il n'y a pas de mystère, c'est la société Rogon, qu'on connaît bien. Bien sûr. sachant que le Racing, quand il signe un mandat à Rogon, ça leur fait un peu mal au cul parce que il y a eu quelques antécédents pas très jolis sur les formations. Alexei Carnier. Alexei Carnier, par exemple. Ouattara maintenant. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns. Et du coup, suite à ce mandat, bah, Rogon contrôle aussi plusieurs clubs en Allemagne. Ils font la politique sportive de plusieurs clubs, dont Hoffenheim. Hoffenheim, en fait, qui donne un mandat permanent à Rogon pour négocier ses transferts. Donc, en fait, Rogon a parlé à Rogon pour placer Magnifique coup à Hoffenheim. Sachant que, du coup, bah, il touche la commission du mandat club du Racing et la commission du mandat club d'Hoffenheim. Ça, c'est par rapport au mandat club. Après, ce qu'il rappelle les mandats joueurs, ça, c'est encore autre chose. Ça te permet de gratter des commissions partout. Donc, le Racing a donné son accord à Djikou et à Hoffenheim pour négocier là-bas, puisqu'ils s'étaient mis d'accord sur le mandat de transfert. Et arrive bah, l'agent de Djikou, donc son frère, mais qui a le diplôme, enfin qui a fait les études, enfin qui a fait la formation qu'il faut, il est mandaté FFF. Tous les agents ne le sont pas. Contrairement à Christophe Hutto, par exemple. Ou d'autres agents qui ont beaucoup... ou des agents qui ont pas leur exercé, mais qui exercent toujours, comme l'agent du sélectionneur d'équipe de France, M. Bernès. Bref. Bernès de chez Bernès, le mec qui était en taule, là. C'est ça. Lui, ou Roland Courbis. Il a la formation continue, lui. En fait, il a pas besoin de donc les Djikou arrivent à Hoffenheim. La négociation se passe bien, le club d'Hoffenheim le veut vraiment. Le club d'Hoffenheim accepte les conditions demandées par Djikou en termes de salaire, en termes de primes, donc assez généreux. Il fait x3 en termes de salaire, je crois que c'est 270 000. Prime par point, ou je sais pas quoi, alors, par point obtenu, ouais, de classement. Ouais, ça c'était un peu gonflé, mais il y avait ces primes-là qui étaient. Nombre qui étaient de là. Saucisses vendues à chaque match. Ben, en gros, il se faisait plus de 3 millions d'euros par an, d'après le contrat qui était proposé. Donc c'était très très bien. Sauf que, brut ou net, en brut, je crois. Bon, enfin, il se faisait. C'est pas mal. Sauf que. C'est toujours pas assez. Au départ, le frère de Djikou demande en commission 10%. C'est ce qui se fait habituellement en France. C'est pas ce qui se fait en Allemagne, mais c'est acceptable quand même. Sauf que le frère de Djikou, il a pas préparé son coup. Il est allé là-bas un peu les mains dans les poches, en se disant ouais, ça se fait comme en France. On demande un salaire, les autres acceptent ou n'acceptent pas, on négocie. Une fois que c'est fait, on se tape dans la main, c'est réglé. En Allemagne, ça se passe pas forcément comme ça, notamment avec Rogon. Parce que Rogon, bah, ils ont à la fois les deux mandats club, mais ils veulent aussi gratter sur le transfert, donc par rapport aux joueurs. Donc gratter sur trois côtés, hein, tant qu'à faire. Et Rogon veut déjà gratter un billet sur ses 10%. Le frère Djikou refuse. Finalement, il demande 12% en incluant ce que Rogon demande pour arriver sur tomber sur ses pieds. Et cette fois, c'est Hoffenheim qui refuse de donner 12%. Et propose, au final, le directeur sportif propose 7% tout compris, et charge à eux de se démerder. Et là, le Djikou refuse, et Hoffenheim refuse d'aller plus loin, et ça se coupe là. Parce que Rogon ne pouvait pas se rincer comme il voulait, et du coup, Djikou ne voulait, les deux Djikou, en l'occurrence plutôt le frère, ne voulait pas vraiment renoncer à sa commission. Donc en fait, tu réhabilites un petit peu Gengis Khan Djikou, quoi. Non, pas forcément. Parce que là où... Bah, il a pas préparé son coup. Exactement. Voilà. En fait, c'est un branleur, mais c'est un branleur, mais c'est les Allemands qui ont voulu lui voler l'argent. En fait, quand t'es agent... C'est un Français. pour moi, en Allemagne. Non, non, mais pour moi, quand t'es agent, tu justifies ta commission. Est-ce qu'il avait pris des marques? Par le travail. Quand tu veux faire un transfert à un joueur en Allemagne, tu te renseignes sur les us et coutumes. Tu sais que Rogon, tu discutes avec Hoffenheim, tu sais que Rogon est là-bas. Quoi qu'il arrive, il faudra leur lâcher un billet. Tu veux faire la transaction, t'intègres ça. Même si tu dois renoncer un peu à ta com, bah, t'es prêt à filer un billet à Rogon et tu tapes dans la main et c'est réglé. Lui, il y allait billet en tête. Il avait, je veux me faire 10% du transfert sans rien foutre. Et ça marche pas comme ça. Et en face, bah, Hoffenheim, il voulait, à la fois, il voulait pas donner plus que ce qui était demandé au départ. Et il voulait quand même que Rogon, qui contrôle chez eux, ait leur billet. Donc ça, c'est simplement ça, en fait. C'est pas ça. Tous des enculés, un peu, c'est ça. Tous des enculés, oui. Ah, mais, ouais, enfin, dans le milieu du foot, je pense qu'il n'y a pas de vérité par rapport à là. Et c'est pareil en Angleterre, on pourra en parler sur Ajorc, avec les McKay, par exemple. C'est même pire. J'ai entendu que le transfert ne s'est pas fait parce qu'Ajorc n'a pas voulu prendre l'avion. Par exemple. Un transfert géré par Willy McKay vaut mieux pas prendre l'avion, effectivement. Non, j'ai vu en Eurostar. J'ai vu en Eurostar, pas de souci. J'ai vu une histoire dans l'équipe, je sais plus, dans quel club, une dirigeante. qui est une dirigeante d'un club anglais qui est célèbre, je sais plus son nom, qui avait tradé son mari qui était un joueur et qu'il avait prêté en Détroit parce que ça arrangeait son business à elle. Elle a... Et en fait, c'était une des anecdotes, c'était dans un article de l'équipe, je crois, c'était la, la présidente, je sais plus quel club, West Ham, va vérifier, mais c'est vraiment quelque chose... Il y avait une nana West Ham, je crois, non ouais, c'est... Oui, oui, c'est possible. Bah, il y a la femme d'Icardi aussi qui le laisse à Paris alors que dans son intérêt, ça a eu une partie. Enfin, des histoires comme ça, il y en a pas mal. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Djikou est toujours là. Donc la, la, vraie, la, la question derrière que nous pose Ross 3, bien sûr. C'est est-ce qu'il va rester ou pas ? Question, question, mais il le dit beaucoup mieux. Il ira pas en Allemagne, en tout cas. Question numéro, pas de numéro. Il ira plus en Allemagne. Non, c'est Ilvecchio qui demande, à supposer que Gengis Khan ne trouve pas la poule aux œufs d'or pour la fratrie, quelle saison peut-on, peut-on attendre d'Alex ? Bah, en fait, moi, je l'ai trouvé... Ilvecchio. Je l'ai trouvé contre Cagliari, par exemple, j'ai trouvé un peu fébrile. Très nul. Enfin, Mathieu, c'était pas mieux, hein. Ouais, très bien. Mais en fait, je pense que ça a pesé sur, enfin, sur le match d'après, entre guillemets. Après, du coup, ça reste un professionnel. Je pense qu'il va se remettre dedans. Une fois que la fenêtre de transfert est refermée, la plupart des joueurs se remettent dedans, à part Kenny Lala, pardon. Non, mais finalement, du coup, c'est pas un con. J'ai pas le sentiment que ce soit un gars qui soit un mauvais coéquipier, un mec qui met, enfin, comme Kenny Lala qui a ostensiblement démissionné du foot quand il a appris qu'il partirait pas la Fiorentina, je sais plus pour quel montant, 8 millions, je crois que c'était. Mais ouais, voilà. Kenny Lala, il y a eu une double, j'ai l'impression qu'il y a aussi une double conjonction, c'est qu'il avait commencé à arrêter le foot, le transfert s'est pas fait et du coup il a complètement lâché parce que ça commençait déjà un petit peu... Il a arrêté le jour où Stéphane l'a supervisé. Ouais, voilà. Bah, oui, ou alors quand okay. Thierry Loret l'a descendu dans Téléfoot, je sais plus, mais il y avait un... Y avait, ouais, il a descendu. Mais non, mais bref, on lui a posé la question, est-ce qu'il peut aller en équipe de France, il a répondu. Mais oui, bien sûr qu'il y a... Y a, y a bref, heureusement, ça a laissé la place à Jonathan Klaus, l'enfant du pays. Bref, mais c'est... je pense que du coup, il va rebondir. Là, il est déçu, c'est normal, il voulait partir, il veut pas prolonger, mais ça ira, il... Ça ira. Ça ira, c'est quand même un bon joueur. Il est dans une défense à 3. Moi, je vois pas de, de raison à ce que Djikou fasse une saison de merde. Et autre question que je viens d'inventer. Est-ce que les 6 millions que le Racing aurait pu encaisser suite à la vente de Djikou auraient impliqué un mercato plus, plus actif ou des dépenses ? Est-ce que des dossiers ont été figés ou ont été gelés ? Suite à la... Probablement. La, bah, la vraie question, c'est combien tu mettrais pour chercher un remplaçant à Djikou. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que t'as besoin d'un remplaçant? Est-ce que ça aurait été simplement du remplacement? Mais déjà là, voilà, mais imagine, t'as 7 millions. Combien tu... Parce que moi je reste intimement convaincu qu'il aurait fallu un remplaçant à Djikou. Ouais, mais il est déjà là. Ce système à 3 défenseurs centraux. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord, mais vas-y. Ouais, pour moi, il m'en faut 6. Il me faut doubler tout un poste. Eh ouais, moi, je suis comme ça. Je double tous les postes. Du coup, il me faut 22 joueurs. C'est pas beaucoup. Ouais, mais t'as la réserve. T'as des jeunes. 22 joueurs. Quand Fouri Kaba. Voilà. Oui. Il faut 22 joueurs. Et donc, moi, j'aurais le truc. Et donc, je me dis, avec les 7 millions, si j'aurais dû acheter un. Si j'avais dû acheter un défenseur central, établi en Ligue 1, pas trop vieux, dans la pyramide des âges, machin. Je pense que j'aurais mis au moins 4-5. Mais en fait, on a fait un Yamsi pour moins de pratiquement la même chose. En fait, on peut pas faire un Yamsi. Les seuls, c'est pas tout le temps. Hein. Le remplaçant de Djikou, il est déjà là. C'est Ismaël Doucouré. Et en fait, je pense que ça a été anticipé l'hiver dernier parce que Doucouré, quand il arrive, il n'est pas du tout parti pour intégrer le 11. Hein, on est d'accord. Je pense que c'était vraiment dans l'optique d'une vente de Djikou. Et si on avait pris un défenseur, ça aurait été un profil peut-être pas à la Salmier, mais un mec pas très connu. Je pense que Doucouré est arrivé et genre Marc Heller a dit tiens c'est ton casier et genre Djikou bah tiens Alex bah tiens la voiture elle est prête, elle t'attend pour aller en Allemagne, tu vois. Parce que c'était un peu ça. Ouais. Parce que là si t'enlèves Djikou, t'as quoi? T'as Le Marchand, Niamsi, Perrin, Doucouré. Ouais. Et derrière c'est du Canfori, Kaba et ouais, ou Sissoko, Bricolé. Donc, du coup, là, t'en as 5 avec Djikou. Si tu le perds, t'en as 4. Ouais. Pour moi, 4, quand tu fais jouer avec 3 mecs systématiquement à tous les matchs, c'est trop léger. Mais ouais, sachant que, de mon point de vue, le système Stéphane n'est pas figé, même si là, on a fait que le travailler, on a fait dans la continuité sur l'été. Je pense qu'il est possible que, comme ce que Laurie avait fait, il avait fait des allers-retours, défense à 4 ou 4-4 de losange ou 3-5-2, enfin, je pense que le système Stéphane n'est pas figé, même si et ça avait parfaitement réussi. Objection, votre honneur. Ça, tu peux le faire avec des joueurs qui sont intelligents. On en a. Ouais, non. Et ben, on en, a, en défense, on en a pas tant que ça. Bien sûr. Ça marchera si les mecs, ils arrivent à s'adapter à ce genre de système-là. Et Stéphane, sa grande force, c'est qu'il est arrivé, il a commencé en 4-4-2. Au bout de quoi? Un match, deux. Ouais, il a tout changé. Il a mis marche arrière. Il a dit, ouais, ces mecs, ils savent pas jouer en 4-4-2. Je vais leur faire un système où ils sont plus à l'aise, vu les qualités des mecs. Alors, et si tu restes sur la même base de bonhomme, changer de système, à mon avis, c'est casse-gueule. Si tu restes en 3-5-2, je me demande dans quelle mesure Ronald Pierre-Gabriel ne peut pas jouer aussi en axial droit. Parce que, il a quand même des grosses qualités défensives. Il est assez costaud. Même Gilbert a fait un ou deux matchs en axial droit. Ouais, il l'a déjà fait aussi. Il y avait Carole à l'époque aussi. Ouais. Faut prendre Gilbert, c'est Dour l'a fait aussi. Ouais, c'est Dour. Non, mais voilà, comme numéro 5 dans une défense, donc le mec qui jouera à ce poste peut-être 2-3 fois par an grand max, un Pierre Gabriel peut faire l'affaire. Et en fait, là, ce que tu dis sur le constat de Stéphane, il est un peu erroné parce qu'en fait, quand on commence la saison en 4-4-2, on commence avec Perrin à droite, il me semble, l'an dernier, et on n'a pas encore Niamsi, ni Le Marchand. En fait, quand on commence la saison, on n'a pas les deux joueurs qui sont les piliers des 6 premiers mois chez nous, en fait. Et donc, Stéphane change de braquet très rapidement. Et surtout, le 4-4-2 était bancal parce qu'on n'avait pas d'ailier ou pas de joueurs. Oui, voilà. On avait Waris Thomasson en ailier, donc non, on n'avait pas d'ailier. C'était pourri, finalement. Et on avait Sissoko en défense centrale. Ouais. Donc, forcément, il y avait tout qui tenait pas la route. Et Sissoko, on l'avait gardé encore jusqu'à intégrer Le Marchand. Le Marchand. Quand il commence contre Brest. Parce qu'en fait, avant ça, on n'avait pas cette ossature qui a fait finalement la saison. Avec Niamsi en Marcel Desailly. Et Mitrovic. En Mitrovic meilleur. En Marcel Desailly, doublé de Zinedine Zidane derrière. Enfin, je sais pas, le mec qui relance. Franz Beckenbauer, voilà. Et sur les côtés, Perrin qui a énormément progressé aussi. Et ça reste un peu. Quand tu parlais de joueur pas il a énormément progressé par rapport à ce qu'il était au tout début. Il était nul. Oui, il était nulissime. Mais moi, je te fiche mon billet qu'on va jouer en 3-5-2 toute la saison. Je pense que c'est possible. Sauf si toutes les équipes s'adaptent. Auquel cas, tu changes de d'accord position. Pour dire que Stéphane ne jouera pas toute sa carrière en tant qu'entraîneur en 3-5-2, si ce n'est qu'avec le pool de joueurs qu'on a maintenant, il a déterminé que c'était le système pas le meilleur, mais entre guillemets le moins pire avec ce qu'on a, et que globalement il essaie de bricoler. Les joueurs aussi, à force de jouer dans ce système-là, ils ont des automatismes. Ouais. Et c'est quand même plus simple que de le bousculer à chaque fois, à chaque match, surtout que ça marche. Au gré des blessures, des suspensions, des non, uns, mais des surtout autres. Que ça marche. En fait, c'est pas la défense qui est pour moi le point charnière de cette équipe. C'est vraiment le milieu. Quand t'as un mec comme Persic qui garde le ballon, finalement, t'as même pas besoin d'avoir trop peur derrière, puisque. Et pourtant, dans l'effectif, j'ai l'impression que c'est constant depuis des années, c'est que le milieu, c'est presque un secteur le plus faible. Ouais, mais c'est paradoxal. Oui. Sachant que le meilleur joueur voté par les supporters, c'est un milieu de terrain, c'est Persic. Oui. Et on a quand même. Alors que c'est Thomasson. Il y a aussi Thomasson qui est. Oui, Thomasson est un milieu aussi, oui. Non, mais qui est un des joueurs les plus réguliers et qui est. Thomasson. Est-ce qu'il fallait faire jouer il est Thomasson titulaire dans tous les matchs, dans tous les schémas. Est-ce qu'il fallait faire jouer Thomasson à Anfield? Ou tu l'as déjà enchaîné Non, juste comme ça. Ou est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui ont repéré que c'était notre meilleur joueur et qui vont l'acheter? Un club sérieux ne supervise pas un joueur sans match amical au dernier moment. D'accord. Donc c'est possible qu'il y ait des intérêts. Oui, c'est ça. Un club anglais pourra probablement Thomasson sur sa shortlist et Marc Hiller a une offre de 30 millions sur la table. Peut-être transition sur Ajorque, hein, si tu veux la faire. Oui, grâce à ça. Ludo, bah oui, alors le mec qu'on rêve de vendre en Angleterre depuis des années. Mais on veut le garder quand même. Mais qu'on veut garder. C'est pas. Ouais, enfin, sauf que le Racing a quand même mis un mandat club aussi en Angleterre sur l'agent le plus connu en Angleterre. Willy McCain. C'est-à-dire qu'on les paye, McCain? Ouais, c'est ça. Enfin, on les paye si elle transfère. Mais si ils vendent rien, on les paye pas. On leur paye quand même une presta, mais il y a un fixe et après il y a un gros pourcentage. C'est le foot qui aime ça. Si tu vas sur les comptes publiés chaque année par la DNCG des clubs, t'as une ligne à chaque fois dans les dépenses, autres frais d'agent et tout ça. Et c'est 2-3 millions chaque année. Et c'est totalement opaque et c'est profondément scandaleux. Bien sûr. Mais c'est comme ça. Faut le dire. Mais dénonçons-le. Mais du coup, après. Mettre de l'huile un petit peu entre les rouages, entre les. C'est les intermédiaires. Ouais. Mais du coup, après ce mandat club donné au McKay, il y a 8 clubs de première ligue qui ont supervisé à Ajorque à Liverpool. Voilà. Et Brentford, ils les ont supervisés à. À Donna Wigan. Bah, Brentford a vu à Jork mettre un doublé. Voilà. Peut-être qu'il ira à Brentford. Leur monter sur les épaules. Encore que Brentford recrute assez intelligemment. En revanche, là, pour le coup, je sais pas pourquoi il y a absolument ce besoin de vendre à Jork, même d'un point de vue sportif, à Jork, il se sent pas trop mal au Racing. Non, mais c'est la valeur marchande la plus. Il est au climat, la plus voyante. Son prime. Sachant que Djiku sera en fin de contrat aussi et qu'au risque, on va rien gagner sur lui. À Jork est celui qui a la plus belle valeur pour encaisser un chèque. Mais à Jork, c'est quand même aussi c'est paradoxal parce que c'est le profil le plus dur à vendre. C'est un gars qui a 28 ans, donc il est plus jeune. Il y a aucun club qui va faire une bascule sur lui, aucun. Celui qui l'achète pour 15 millions, il y en a aucun qui va le revendre au prix d'achat. Mais il va profiter d'un Jork qui lui met 10-15 buts chaque année. Ouais, mais en fait les clubs fonctionnent quasiment plus comme ça. Ils prennent que des jeunes. Alors c'est con, mais moi j'ai envie de dire à Jork et à tout le monde, enfin reste, tu vois. C'est, oui, c'est, moi, je suis content qu'il reste. C'est un très très bon joueur pour nous qui sera irremplaçable dans son profil. Combien de contrats, Jork? 2 ans. Deux ans encore. 2024. Ouais, mais c'est la plus grande valeur marchande, soit, mais est-ce que le club a vraiment besoin de vendre? Non. Marc Heller, si. Pour faire la terrasse. C'est surtout ça. C'est vendre pour vendre, ça, je suis d'un point de vue. Non, mais justement, si Djiku, logique, si Djiku n'est pas vendu, c'est un petit peu ennuyeux parce qu'on va le perdre en fin de saison sans rien. Mais en fait. Et alors, si Ajork n'est pas vendu, c'est pas grave, parce que il est encore sous contrat et on en bénéficiera et il aura pas le contre-coup du départ avorté qu'on peut redouter pour Djiku. Mais sans rien, les deux situations sont différentes. Sans rien, je sais pas, parce que tu fais ta meilleure saison de l'histoire du club depuis titre quasiment. On arrive sixième, c'est pas rien avec des joueurs où t'as investi pas grand chose. Non, mais t'as pas investi grand chose, tu l'as amorti. Perds, si Djiku part en fin de contrat, tu perds pas d'argent. Oui, enfin, l'investissement. Tu perds pas, mais tu n'en gagnes pas. Tu n'en gagnes rien en échange de son départ. Est-ce que c'est un club de foot ou est-ce que c'est un club de bourse? Je sais pas. Bienvenue en 2022. Non, bien sûr. C'est une question rhétorique, mais c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, il est marqué. Il y aura aussi le respect du contrat, ça c'est un truc qui revient sympathique. Le joueur est libre à la fin de son contrat, donc il a. Et s'il a envie de prolonger comme Matt Sells, qui prolonge d'année en année pour 6 ans à chaque fois, c'est bien aussi. Mais les Stubis qui disent faut l'obliger à prolonger comme ça après on le vend et je sais pas quoi, et tout le monde est gagnant. Et dès la première occasion, on peut lui dire s'il y a une bonne offre, on te vend. Oui. Il faut l'obliger à prolonger. Ça fait 3 ans que ça marche comme ça et il s'est rien passé. Alors il y a Rocoras qui demande, il semblerait que les joueurs aillent désormais jusqu'au bout de leur contrat. Voilà. Vu le nouveau contexte du marché des transferts. Rocoras qui semble être un juriste. J'ai peut-être mal fait la ponctuation. Hein. Peut-on donc aussi appeler les joueurs à la démission? Et non plus Marc Heller, Julien Stéphane. Il pourrait, ouais. Djiku démission, peut-être. Rupture conventionnelle. Démission. Voilà, donc on a un petit peu là, on a bouclé le mercato là. Ah, il y a Saïd Kandil encore. Allez, je vous donne, vous avez, c'est un truc. Bah, il y a un peu le loft des prêts. Bah, c'est pas un loft, mais je sais pas, c'est un charter qu'on envoie à Annecy. En fait, il y a deux joueurs qui sont encore en instance de prêt. C'est Marvin Senaya. Bingo, peut-être en prêt, pourquoi pas. Marvin Senaya, qui a fait un bon match chez Liverpool, par exemple. Mais un match catastrophique contre Cagliari. Oui, il était pas bon. Après, il est jeune, mais moi je serais d'accord pour qu'il parte en prêt en Ligue 2 à Sochaux. À Sochaux ou à Niort. Oui, pourquoi pas à Niort. Mais qu'il refasse une saison pleine et voilà. À Bordeaux, je déconne. Soyez là, non. Ah, ça peut se négocier, hein, peut-être que. Non, mais Florent, si tu nous écoutes. Lui, il n'a pas d'objection à ce qu'il parte en prêt parce que voilà, on a deux latéraux maintenant, un troisième fil à 6 fils revient assez rapidement. Il risque quand même fortement de pas jouer. Sachant qu'en équipe réserve, le poste sera partagé entre deux joueurs, entre Antoine Nuss, Nuss. J'ai eu la confirmation de. De sa sœur. Donc Antoine Nuss et Anthony Toumagnan, donc en 2003 et en 2004. Arménien. Intersal de l'espoir arménien. Putain, ça c'est. Mais qui est français, hein, enfin, qui est de Lyon. Ah, normal. Sûrement, ouais, de, ou peut-être Lyon, Valence, Lyon, ou Marseille. Lyon, Marseille ou Valence. Enfin, c'est un enfin bref, du coup, Senaya, il serait un peu entre deux et il jouera pas trop. Donc, autant le prêter. Je pense qu'on va, on va réussir à le prêter d'ici la fin du mois. Il y a plein de petits clubs de Ligue 2 qui cherchent des joueurs. Saint-Etienne, hein, ils cherchent des bons joueurs de première ligue. Bah, ouais, donc Senaya. Saint-Etienne, franchement, à la place d'Ivan Masson, il serait là en perdre au change. Et du coup, l'autre, bah, c'est Nordine Candil. Le la grand pépite public. De la Canardière. Voilà, le grand public a découvert Nordine Candil cet été. Sur des vidéocassettes passées sous le manteau. C'est ça. Non, on avait déjà un petit peu découvert la saison dernière quand même. Oui, c'est vrai. Il a aussi fait en fait, les auditeurs de Radio Choum l'ont découvert il y a 5 ans. Mais du coup, Candil, moi j'ai entendu des gens qui disaient dans les travées de la Méno, il a sa chance cette année, il peut jouer. Entre deux tarflambés, entre deux Candil. Candil est un vrai bon joueur de foot. Candil, c'est le nouveau. Non, il est vraiment mais par contre, il est fragile. Oui. C'est notre Emi Gargorov. Voilà, c'est un pur talent sur Football Manager 2005. Physiquement, il y a ça. Oui, c'est Tanter ou c'est Gargorov ou c'est Tanter. Ouais, Tanter. Tanter, c'est pour les tarflambés, ça. Le barbé, ouais, c'est pour la buvette, mais. Mais Candil, il a du foot, quoi. Il fait les bonnes passes au bon moment. En tout cas, il a mis le doute à Stéphane, parce que Stéphane, il l'avait mis sur la liste des prêtables, on va dire. Et il attendait. Et donc les premiers prêts sont partis relativement rapidement après qu'ils ont annoncé leur stratégie de prêter les joueurs pour qu'ils aient du temps de jeu. Et lui. J'ai l'impression qu'il a mis le doute et c'est le match je sais pas lequel où là vraiment Stéphane a déclaré dans les DM. C'était à Donnechingen, c'était vraiment. Ouais, il a dit ouais vraiment il a quelque chose de spécial et là clairement je pense que s'il s'était pas fait les quadris là. Bah moi c'est le débat que j'aurais, c'est que quel est l'intérêt du Racing moyen terme, c'est quoi, c'est de garder Candil qui joue 10-15 matchs grand max. Et encore quelques bouts de match. Ou est-ce qu'on le prête en Ligue 2 pour qu'il fasse 25-30 matchs mais titulaire et qu'il prenne du temps de jeu? Parce que Candil, depuis qu'il joue en senior, il a jamais fait une saison complète. Et il a déjà fait un match complet. Je me pose la question. En réserve, il a jamais fait de match complet. En amical, je suis pas sûr qu'il ait fait un match complet. Non, je crois qu'il a jamais fait de match complet en senior. Et c'est un 2001, donc il va avoir 22 ans l'an prochain. Peut-être, mais un peu vieux. Donc là, il a absolument besoin de jouer. Il faut qu'il joue. Je conçois bien que le Racing, ça serait bien qu'il reste chez nous, qu'il mette un peu le feu en fin de match parfois. Mais son intérêt à lui, c'est de jouer vraiment et d'avoir des responsabilités dans une équipe, même si c'est en Ligue 2. À Bordeaux. Non, à Bordeaux. Ouais. Il y avait Grenoble, il y avait Quevilly, Rouen qui étaient un peu sur lui, mais ça, c'est pas allé plus loin, a priori. Tant que c'est pas Valenciennes. Bah, il peut aller à Valenciennes, il y a de la place. On peut le prêter à Caen, à la place de Chahiri, tu sais. Et comme ça, il nous le ramène avec une cheville en vrac. Ah, une nouvelle cheville. Chahiri, il est parti au Paris FC, là, pour faire du free fight avec Laurel. Ok, donc on a un petit peu bouclé cette... Saï. Oui, Saï, qui est parti à Annecy. Saï est prêté. Voilà, bonne chance à lui. Il avait qu'à faire la passe à Jorge pour Cagliari. Exactement, la sanction est immédiate. Elle est irrévocable. Je suis un Stéphane. Ben voilà. Et donc Cagliari. Ça tombe bien qu'on parle des matchs amicaux, Luki, parce qu'effectivement, on a joué Cagliari dans un match de gala. Faire plaisir au public, le stade de demain avec l'équipe de la semaine dernière, c'était une grande fête du football. Ouais. C'était une grande fête du football et c'est là qu'on a senti Alexander Djikou extrêmement concentré, surtout sur le deuxième but où il tombe à la manière d'Alex Djikou. Je sais pas si vous avez revu le ralenti, mais je comprends pas cette séquence. Non, ce qui était moins compréhensible, c'est la passe en retrait de Djikou pour Cels où les deux sont complètement à l'ouest. C'est la passe en retrait pour l'attaquant qui fait une frappe de poussin que Cels n'arrive pas à capter et qui rebondit sur le poteau. Ouais. C'est ça. C'était pas beau. C'était lunaire. C'était lunaire parce qu'on se dit bon, Cels va la capter parce que l'attaquant n'y arrive pas et Cels se fait une Kawashima. Et bon, autant qu'il la fasse maintenant, autant qu'il la fasse toutes les deux maintenant, avant que la saison commence, parce que ça rappelle sérieusement le début de saison Covid sous Thierry Loré. La dernière saison de Thierry Loré, c'était exactement ça. C'était ce genre d'erreur stupide qui nous coûtait des points. Donc autant qu'il la passe contre une série B en match amical devant quasiment personne. Une bonne série B. 8600 spectateurs relégués de série 1. Non mais une bonne série B quand même. Oui. Ouais, c'était intéressant quand même Cagliari, c'était pas dégueulasse. Un film de série B. Ils nous ont tout fait quoi, ils nous ont fait les attaques rapides, l'efficacité, le gain de temps dans le dernier quart d'heure, enfin tout ce que tu attends. Le gardien, une équipe, un vrai match de préparation, un vrai match de combat, un vrai bon arbitrage. C'était Aurélien Petit, qui était à Sochaux PFC. Arbitre Lorrain. Ouais, voilà. Voilà. Mais disons, moi, j'ai trouvé que l'opposition était consistante et c'est ce qu'on attend dans une opposition sur un match, sur un match amical, quoi. Mais là, on parle de l'avant-dernier match amical. Oui. Donc, ouais. Est-ce qu'on parle du dernier? Ou est-ce qu'on parle des premiers? Bah, non. Je sais pas. Les premiers, est-ce que c'est significatif? Bah, on peut parler juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question, je crois. Ah. Oui, oui. Est-ce qu'on s'en bat les Arros 3, peut-être? Ah, c'est bien possible, ouais. Alors, attends, je te retrouve ça. J'ai un truc sur... Moi, je peux juste faire... Ah, voilà. NicoXX, arrobas Nicolas Lacac sur Twitter. Bah, c'est lui. Vous voyez qui j'imite, hein. il nous pose une question, qui était sa deuxième question, qui était de dire, les matchs amicaux, ça compte ou pas? Non, ça ne compte pas. Voilà. Ça compte pas. Mais c'est vrai, honnêtement. Non, mais en gros, quand t'as une... On s'en branle du score. Mais comme, quand t'as une, quand tu vois sur le Stoub tout le début des, en détail, les matchs avec eux, si t'as que du rouge, tu prends branlé sur branlé. Ouais, ça donne c'est quand pas même cool. Un peu la tendance, même si tu prends une branlée contre la sélection régionale. Bon, ça n'est jamais arrivé. Mais si tu, si tu perds pratiquement tous les matchs, ou si t'es incapable de mettre un but, ça donne quand même une certaine tendance. Donc là, il y a eu quand même des choses bien positives ou une montée en puissance un petit peu. Ou alors justement une montée dans le dur qui était salutaire. Moi, je trouvais c'est bien qu'on ne gagne pas tout de manière écrasante parce que je sais pas si ça va dire beaucoup de choses. Mais au niveau de l'adversité, ouais, justement, il fait beaucoup parce qu'on a joué à chaque fois les premiers matchs amicaux contre Sion et Charleroi. Là, on les joue à chaque fois. Une blague, ouais. Non, mais pour eux, c'était leur dernier match avant le. Oui, ils étaient déjà bien rodés comparé à nous. Et donc à chaque fois, c'était des oppositions qui plaisantaient pas quand même. Et justement, Cagliari, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on joue une équipe de série B à domicile. Donc, mais c'est typiquement le genre de match le genre de match dur en championnat qu'on va avoir contre des Ajaccio, contre des Angers, contre des Clermont. Enfin bref, des matchs pénibles. Et on voit que si on n'a pas l'intensité. Alors qu'on est quand même une tradition Sferheim, si on met pas l'intensité, on gagnera pas le titre de cette année. Demain. Et donc voilà, c'est bien de voir qu'il faut mettre à chaque match un sérieux et une intensité afférente à notre nouveau standing de futur candidat à l'Europe. Et justement, c'est pour ça qu'on a joué que des clubs européens et zéro club français. Ouais. Moi je trouve ça bien. Comme ça tu commences pas à refaire des matchs contre des mecs que tu vas recroiser plus tard. Enfin, ce qu'on faisait. Ouais, je vois vraiment pas l'intérêt. Je trouve ça normal de jouer contre des adversaires inédits. Ouais, des bons adversaires à chaque fois. Qui sont un peu différents, que t'as pas besoin de superviser. D'ailleurs, Cagliari c'était un petit peu l'inconnu, hein, pour même. Ce que disait Stéphane. Ouais, pour les membres du staff. Et c'est pas habituel et ça permet de te bousculer un petit peu dans tes habitudes. Il y avait Fribourg qui est un peu plus connu parce qu'on les retrouve régulièrement. Ouais, mais Fribourg nous a fait montre d'une capacité de rebond et mentalement de ce truc qui anime le Racing depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'en fait, on perd 2-0, mais c'est pas grave, on va quand même aller chercher, on va quand même aller les rattraper, et même si on gagne pas le match, tant pis, en fait, on y va. Et t'as fait jouer les jeunes en plus sur ce match-là, qui ont fait une bonne impression. Les jeunes ont fait une bonne impression, et puis dans le temps réglementaire, tu finis les match jeunes à la troisième mi-temps, ils sont toujours généralement très efficaces, effectivement. C'est là où ils sont les meilleurs. Bah oui, à la troisième mi-temps. Non, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que les amicaux, même si c'est pas significatif, et comme disait Kittel, on n'a pas pris de déroutes, de trucs. On commence la saison sans certitude, mais sans broyer du noir. Il y a d'autres clubs français qui eux sont, enfin voilà. Quand je vois, je sais plus, c'est Marseille ou je sais pas quoi qui galère et tout, moi j'y apporte aucune espèce d'importance. Non, le résultat. Ça veut dire qu'au premier match, ils sont capables de gagner 4-0. Je pensais pas du tout à Marseille. Moi, je pensais à d'autres clubs. À Lyon, qui perd contre une D2 néerlandaise 5-0. Non, même pas. Je pensais pas aux gros clubs de notre championnat. Je pensais plus à ceux qui sont censés être nos concurrents dans le championnat. Le PSG, Nice, Monaco, Paris, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Non, je pensais plus d'un point de vue plus réaliste à Angers, Clermont, même Montpellier. Brest, ils ont fait quoi contre Angers et Clermont? Ils vont jouer la sélection du Finistère. C'est le concurrent finalement, même si je pense qu'on finira bien au-dessus, mais les concurrents en termes de budget au Racing, ça reste ces équipes-là pour l'instant. Oui. Et il faut être réaliste, et je pense, et là pour le coup, je salue Marc Keller pour ça. Oui, il faut être réaliste. On n'a pas le budget pour aller taper la sixième place chaque année. L'an dernier, c'était un miracle. C'était très bien. Mais je pense qu'on fera bien mieux que la plupart des clubs parce qu'on est plus structuré. Voilà. On change pas tout d'un été à l'autre. On est quand même structuré par rapport à des Angers ou des Clermont. Il y a ces clubs-là, m'inquiéteraient plus si j'étais supporter de Clermont, Ajaccio, j'ai pas suivi. Mais de toute façon, les quatre descentes. Là, les quatre descentes, on se fait peur, mais voilà. Non, il y a pire que nous. C'est quand même une blague. Déjà les promus. Ah, c'est les la meilleure promus. Année pour attaquer les quatre descentes, je pense. Il y a moult concurrents. Après, il faut faire attention parce que on peut vite se retrouver dans la charrette. Le Racing, souvent, quand il est descendu, c'est par la faute d'un début de saison pourri. Oui. Ouais. Mais un milieu de saison pourri. Fin de saison merdique. Mais quand même, j'aurais été plus inquiet s'il y avait eu Thierry Loré, coach du Racing. Ah, non. Loré, il se bat pour le maintien la dernière journée, oui. Mais là, on a quand même un coach qui vise plus haut, clairement. Et des joueurs aussi. Moi, j'attends juste que Furglan fasse 12 défaites d'affilée avec Auxerre en fin de saison. Juste pour, tu vois. Le record a déjà été battu, hein, tu le sais. Ouais. Mais c'est là, Grenoble, mais ça. Là, je vois bien Furglan avec Auxerre nous faire une belle série en fin de championnat. T'as quand même Auxerre, t'as Ajaccio, Angers, clairement. Angers qui a vendu tous ses historiques, ouais, tous ses tauliers. Montpellier, ils sont pas bien. Il y a les clubs maintenus de l'année dernière, Clermont, Lorient, qui étaient ridicules l'année dernière, mais qui sont tous maintenus. Brest, qui était pas génial non plus. Ah, Brest, ça se maintient. Brest-Reims, c'était pas non plus la folie. Mais Brest-Reims, c'est chiant, mais ça se maintient. Non, mais Brest-Reims, ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire ils sont maintenus, ça allait, mais les mecs ils fanfaronnent pas non plus. J'ai hâte de voir Nantes sans Colomoigny aussi, hein. Parce que ça fait la Coupe d'Europe. Sans Blas, sans Colomoigny et avec la Coupe d'Europe, à mon avis, ça va pas être la même chanson. Et avec Kita. Avec Kita, oui, mais ça c'est. Et Comboiré, généralement, qui dure pas plus d'un an et demi. Parce que ça ressemble un peu à une question de le fameux Nico XX sur Twitter. C'est vrai qui disait globalement comment on la sentait la saison. Il parlait de la saison du Racing, mais on extrapole sur les autres. On dévient complètement aussi. Un petit peu. Mais c'était un petit peu ça l'idée, c'était comment on la sentait la saison. Et on commence à répondre à cette question-là, qui était de dire, globalement, on la sentait plutôt bien par rapport au maintien. À tort à le calendrier du mois d'août, qui donne un peu la tendance sur... Sur les matchs amicaux, quand même. Finir les matchs amicaux. Alors, si on s'était bien. Je vais vous faire le détail de tous les matchs amicaux. C'est la bonne saucisse, mais il y avait des guêpes. Il y avait beaucoup de guêpes, ouais. Non, mais juste pour saluer quand même le coup franc en direct de Bellegarde contre Sion. Magnifique. Le but de Persic. Et surtout le but de Persic à Charleroi. Ah oui, mais extraordinaire. Oh, le but de Persic à Charleroi, voilà. Il aurait pu le mettre quelques mois plus tôt. Hein. Donc, à Marseille. Voilà. Simple parenthèse pour les matchs amicaux. Il va en remettre, il en a plein là. C'est comme le Père Noël, il distribue les cadeaux. Candil, il commence très très fort aussi contre Sion. Oui, c'est parce que c'est lui qui provoque le CSC et qui le provoque. En fait, c'est quelque chose que je n'avais pas vu chez Candil jusqu'alors, cette capacité de percussion. Oh, quand même. Non, mais il s'est percuté dans les petits espaces, mais je me suis dit sur une aile, comme il a fait, c'était vraiment intéressant. Il le faisait avec le 19. Hein. Et contre Charleroi, oui. Après, ce CSC, il s'est quand même transformé en passe décisive dans les DNA. Oui. L'article, là. Il s'est transformé en passe décisive. Sur la fiche du match sur le Stoop, je voulais mettre Nordin Candide buteur, mais bon. Ouais, il fait le truc sérieusement. Soyons sérieux. Le programme. Alors, là, il y avait un match encore amical, un petit truc. Oui, on s'en parle. Parce que les autres, on s'en bat les couilles. Hein. Bien sûr, on y était tous. Pas du tout. Je sais pas si vous avez vu cette petite interview d'après-match. Exceptionnel. Où les supporters strasbourgeois ont vraiment d'ignorants représenté l'humanisme rhénan avec ce journaliste un petit peu amateur. Qui faisait des interviews au bordel des supporters à la fin du match en sortant de trucs. Ah, il tombe sur. Tout le gratin du show business des supporters strasbourgeois, on va dire légèrement égayé par une journée passée dans les pubs. 3-0. Ouais, voilà. c'est un grand moment de télévision. On en reparlera sur Radio Show Plus alors. la vidéo est déjà sur Radio Show Plus. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs et recevez le cadeau. C'est ça. De Kevin Gamero de. La vidéo est sur le site. mais sur ce match, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on s'excuse en fait, parce que visiblement, c'est un peu choqué. Désolé, on a battu Liverpool 3-0 là-bas. Hein. ni pour ouais, le Racing dérange. Encore, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai qu'on est à 2-0 la dernière fois. En fait, c'était une équipe Z, le gardien avec un bras, ils ont joué à 8. Enfin, voilà. C'était même pas Jürgen Klopp, c'était un sosie. Au cas où il se faisait assassiner. un truc allemand. C'était Holger Klopp ou un c'était l'équipe Cotorep de Liverpool. Voilà. Donc désolé. J'avais pas bien compris ce match amical d'où il sortait. Pour vendre Lionel Ajorc. Lionel, on s'en fout de son prénom tant qu'on le vend, en Angleterre. Très clairement. Je pense qu'ils ont mis, et même, c'est les McKay qui organisaient. Genre, on fait un match amical. Mais c'est des boîtes qui organisent ça, les entreprises qui organisent des matchs amicaux. Bah oui, a priori, oui, c'est un Donc là, c'est Liverpool qui cherchait un sparring partner et C'est sûr que c'est de Liverpool parce que. Oui, c'est Liverpool qui a c'est Kader Mangan qui l'a dit. Oui, voilà, mais c'est Mangan, j'ai l'impression que c'est Mangan qui avait fait jouer la connexion sénégalaise avec Mané qui n'est plus là. Oui. Qui n'est plus là depuis. Mais voilà, Liverpool joue un match officiel la veille. Mais ils cherchent quel est l'intérêt pour eux de jouer le lendemain mais à part refaire jouer les mecs qui joueront jamais de la saison. T'as pas écouté le début de Radio Stubb. On t'a expliqué qu'après Monaco, on joue contre Versailles. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. Exactement. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Du Versailles. Ouais, donc vrai. En fait, nous, on était le Versailles de Liverpool. Exactement. Et je pense que c'était inclus dans le deal avec Anthony Cassie à Mainz quand il a signé. Jürgen Klopp s'est souvenu de son amour de et a dit voilà. Et c'est pour ça qu'ils nous ont filé Pierre Gabriel. Le triangle, le commerce triangulaire, sachant que Kittel a aussi les connexions à Mainz. Bah oui. J'ai vu le stade se construire sous les yeux, sous ma fenêtre de la Cité U. Donc c'est le plan. Le plan est en marche. Après, bon, quand même, t'as un match amical à Anfield, en Anfield qui était plein, a priori. 50 000 personnes, ouais. Donc, ça fait quand même pour un match amical. C'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Après, l'ambiance était pas terrible. Oui, c'est 50 000 spectateurs, quoi. C'est vraiment les spectateurs FIFA. Je pense que les gens qui sont en vacances et qui leur dit de se lever, ils se lèvent. Voilà, mais c'est quand même, du coup, tu joues ce match-là devant 50 000 personnes à Anfield, tu gagnes le match, même si toi, t'étais une équipe au coup d'envoi, à peu près une équipe titulaire, même s'il manquait des gens, après, on finit le match quand même aussi avec une équipe de bébés, quoi. Oui. Voilà. Donc, des deux côtés, il n'y avait pas non plus, alors, nous, on était un peu plus de joueurs aguerris, même si de l'autre côté à Liverpool, il y avait 4-5 mecs quand même, ouais, 5, tu peux dire. Qui étaient quand même là. Donc, beaucoup de gens. Konaté, Gomez, il y avait le Carvalho qu'ils ont payé assez cher, là, cette année. Il y avait Harvey Elliott qui a un bon espoir chez eux. Bon, oui, c'était un peu dans la hype de dire, oui, Strasbourg a battu des unijambistes, quoi. Sinon, c'était quand même une équipe. Sauf sur RMC. Qui a lancé à là, dans ce cas-là, on peut citer Marseille. C'est grâce à Ross 3, meilleur auditeur. On peut citer Marseille ou Lyon qui, eux, ont joué contre des équipes bien plus faibles et qui se sont fait complètement défoncer. Ouais. Là, Strasbourg joue contre une équipe soi-disant. Mais c'est pour ça on est désolé, on n'y a pas fait exprès. Ouais, mais les buts, il faut les mettre en plus. Le but de Diallo qu'il met, il est très beau. Thomasson, c'est spécial Thomasson, un peu la fouine comme ça qui dégote le ballon et qui arrive à faire son petit piqué. Mais le deuxième but de Thomasson. Il est donné à personne. Et Senaya, au début, il est au duel. De passe ouais, mais au début, le duel, il est avec Milner. Ouais. Et Milner. Milner, c'est 800 Milner, matchs. Hein. Milner, t'en as vu une lettre, ça fait mineur. Et un mineur, c'est, un mineur. Bref. Non, je vais arrêter de vous dire. Ça fait longtemps qu'il est plus mineur. Hein. Mineur du duel. Mais il a gueule noire. Il a quand même miné dans le gazon, son duel. Oui, c'est ça. Il a changé de Milner, c'est 60 sélections d'équipe d'Angleterre. C'est plus de 500 matchs en PL. Enfin, parce que Milner a passé pas une bonne après-midi, parce que même un match amical, il perd 3-0, le mec, ça doit pas lui plaire, quoi. Mm. Ça, c'est sûr. Et donc, Marc Keller aussi a déclaré, c'était un petit peu le cadeau au public, à ce magnifique public de la Méno. Ah oui, le public de la Méno qui a dû aller à Liverpool, et en fait, voilà, qui a regardé. Payer 65 pounds. Voilà. Ouais, de payer 500 balles. 35 euros le ticket, mais après, il fallait rajouter le déplacement et les pains de bière, ça coûte très cher. Non, mais ce public, ce magnifique public du Racing, qui a eu avant sa journée du supporter. Ah, effectivement, la Fans Day. Qui ne s'appelle plus Fans Day, justement. Ah, mais Keller, j'y étais, il a fait son speech. Je trouvais que c'était le meilleur moment de la journée. Ouais. La parole d'Évangile de Marco. C'est dimanche, le grand timonier. Ouais, on était dimanche à 11h. Ouais. Il a dit quoi sur Taïwan? J'en sais rien. Non, mais il a parlé la Fans Day. Ah non, c'est la journée des supporters, oui. Je crois. Que, ouais, il s'est repris. Donc, animé par Talry. C'est vrai? Ouais, Talry d'RBS, qui était un peu le speaker, qui s'est présenté. J'ai raté ça sur leur temps. Il s'est présenté et il a dit, oui, bon, je suis pas Jean-Luc Filzer. Voilà, je suis Talry. Talry qui est fan de personne qui est fan du Milan AC, tout le monde le sait. Voilà. Voilà, puisqu'il a souvent animé les avant Planet Racing. La grande époque de Racing. Le morning de Talry sur RBS. Que tout le monde écoute, mais qui parle fréquemment du Racing et de la SIC. Et surtout, comme il, c'est un homme de radio, il parlait bien dans son micro. Donc tout le monde le comprenait parfaitement. On est très dur avec Jean-Luc Filzer. Et donc, c'est pas l'articulation. C'est ce que tu dis, c'est ça? Donc, voilà, ouais, alors cette journée des supporters, moi, je suis arrivé en retard. J'ai croisé des amis qui m'ont dit on se fait chier quoi. Alors moi j'ai bu une bière, j'ai croisé avec quelqu'un du Racing, j'ai discuté avec lui et j'ai vu les gens se battre pour acheter le maillot fur de la boutique. Ah. Alors on dit plus mais maillot fur, sujet on dit le troisième maillot. Bon, on mélange tout là. Ah non mais Marco il a viré tous les anglicismes depuis. La lumière fut. La lumière fut, bah, selon Saint-Marco. Depuis sa Donc le maillot. Et Saint-Marco, avant peut-être qu'on enchaîne, parce qu'il y avait quand même une question, pour le coup. Sur le maillot, parce que sur le supportage, juste une petite question quand même. Alors vas-y. Parce que quand on dit on se fait chier, alors moi j'y étais pas, mais parce que j'anticipais le fait qu'on soit chié, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? L'an dernier, ça avait été coupé avec un match amical. Oui. Deux matchs amicaux, parce que c'est double dance contre Fribourg. Et je trouve ça beaucoup plus sympa quand même, parce que là tu viens pour quelque chose, t'as tout l'avant-match un peu amélioré, où t'as la présentation des maillots des joueurs, tu bois quelques bières, comme c'est très long, tu bois beaucoup de bières. Parce qu'il faut s'hydrater, il fait très très chaud. Exactement. Mais et après, t'as ton match amical et t'as passé une bonne journée. Là, a priori, c'était vraiment juste le décrassage. Il y avait le décrassage, et après, il y a eu surtout la deuxième partie, c'était la séance de dédicace. C'est ce qui a pris le plus de temps pour ceux qui voulaient. C'était assez inintéressant, je vous avouerai. Très très très ciblé pour les gamins, les familles et tout ça. Ouais. Enfin, rencontre un grand succès. Il y a des gens, ils étaient ravis. Ils étaient vraiment ravis de leur journée. Et ils sont effectivement. Ils ont découvert les maillots en vrai. Ils ont pu faire signer une carte d'autographe par un joueur. Les gens demandent pas forcément plus. Ah, moi, je me suis barré à midi. Il y avait plus rien. D'activité, je sais pas. Il y avait trop de monde pour manger. C'est quand même mieux quand c'était les supporters qui s'étaient informés. Déjà parce que je les visais, je pouvais les manger directement. Parce que c'est pas une image de ce que le Racing est en train de devenir. Si, parce qu'en fait, je pense que c'est, au début, moi je trouvais ça plutôt cool de la journée des supporters. C'était nouveau, il y avait un vent frais. Oh, c'est assez ancien quand même. C'était nouveau à l'époque quand il, enfin, dans la manière de l'aborder. Keller a dit que ça date de 2006, 2004, 2005 ou 2003. Ouais. C'est Keller qui l'avait lancé. Et il l'a dit sur le modèle allemand. Bah, oui. C'était exactement ce que faisait Karlsruhe, hein. C'était. Mais quand il est revenu, il avait relancé effectivement. Mais maintenant que c'est installé, c'est un petit peu à l'image de ce que ça devient, ça. C'est pour vendre des maillots, quoi. Enfin, mais de toute façon, c'est dans une période creuse où la moitié du stade est en vacances. Mais ouais. C'est pour ce. Pour marquer le début de la saison et marquer le retour à la méno, parce que avant les matchs ne sont pas à la méno. Et c'est un petit peu connecté au public. Il faudrait prévoir des nouveaux ateliers, tu vois, peut-être. Ah, il y avait un atelier Tifo. Il y avait un atelier Tifo organisé par les Ultras qui a rencontré un succès modeste, on va dire. On aurait pu faire un atelier rap avec Larry. Il y aurait vraiment eu de quoi faire si on avait voulu creuser un peu plus loin. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, il y a. C'est vrai qu'il y a plusieurs catégories de supporters. Maintenant, c'est un peu le mantra c'est le communication marketing du Racing. C'est conquérir de nouveaux publics. Tout le monde se balade avec son maillot du Racing. Non, mais et celui de l'année dernière et tout. Enfin, mais en fait, il y a plusieurs publics. Et encore le suivant. Il y a un certain public qui est vraiment plus consommateur et pour qui c'est intéressant parce qu'ils sont contents de venir acheter le nouveau maillot. Mm-hmm. Ils sont contents de le faire signer n'importe quoi, tous les trucs qu'ils ont achetés, le faire signer. Et après, t'as un public, c'est élitiste, nous, quoi. Élitiste, non, un public plus ancien. L'aristocratie toubiste. Un public plus ancien, qui achète peut-être un maillot tous les 10 ans et encore, et qui se fait chier, parce que voilà, il y a pas des choses qui sont adaptées pour nous, pour un public. Il y a plus. Un public captif, entre guillemets. Racing plus. Non, mais, en fait, le public captif, qui, quoi qu'il arrive, ira au Racing, même si le président insulte les supporters, ça on l'a déjà vu. Est un public qu'en fait il faut entretenir et il faut inciter à consommer chaque année avec ce type d'opération. Après moi, la journée c'est ce qui est visé. Moi je suis arrivé en retard. De toute façon il n'y a pas d'horreur, tu viens quand tu veux. Ouais, ben venez comme vous êtes, c'est ce qui est marqué là. Non, je suis arrivé et j'ai croisé sortant et arrivant beaucoup de familles et des petits-enfants avec le maillot assis. Et je pense que c'était un peu la sortie des enfants. C'est ça. Alors, les grands-parents qui emmènent, dimanche, au lieu d'aller à Didyland ou à Europa Park, ou là, la météore. Voilà, où la ville a été. Par exemple, j'ai même pas envisagé d'y aller. Mmh. C'est la première saison, je me suis dit, ouais, il y aura rien. Non, mais j'y suis allé, mais je me suis dit plus jamais. qu'est-ce que tu fous là? J'ai déjà passé le. Moi, j'habite à côté. Voir les nouveaux maillots ou présenter des joueurs que t'as déjà vus ou voilà. Les nouveaux maillots, c'est relativement l'attrait de la journée. Mais... Ouais, c'est l'attrait. Sauf que cette année, ça avait été spoilé. Le maillot domicile avait disparu. Voilà. Non, après, effectivement, les maillots sont. Enfin, moi, généralement, je suis déçu. De toute façon, tu les vois du haut de la tribune et après, tu les vois dans la boutique où ils sont moins bien qu'en vrai. Oui. Flocage qui s'en va. Apparemment. Oui. Non, mais c'est vrai que avec le match amical, je trouve que ça donnait un petit intérêt à la journée. Et là, tu donnes satisfaction à tout le monde. Les gens qui veulent faire les autographes, acheter le maillot, ça, ils sont contents, c'est possible. Les gens qui veulent boire des bières. Et les gens qui veulent juste boire des bières en voyant du foot, mais ils sont contents. Et Goro Camara aurait pu à la fois signer des autographes sur le banc. On pourrait avoir des conférences TED avec Julien Stéphan qui fait des masterclass sur pourquoi le 3-5-2. Mais ça, j'attendais que tu me tendes la perche. Il y a un certain Slade, @Slade Racing Stub sur Twitter, qui nous pose, est-ce que la réussite de Stéphan ne risque pas à terme de faire de l'ombre à Marc Keller, qui ne serait plus l'enfant chéri du Crimerie? Peut-il le supporter? C'est un peu ça, parce que quand on voit les photos, il sert les pinces à clope et tout. Alors, évidemment, ça a fait le buzz sur Internet et tout ça, ce genre de photos-là. Et tu dis, bah ouais, tu parles de masterclass et tout ça, mais on a l'impression que notre entraîneur devient, tu vois, il devient la tête de gondole du Racing Club de Strasbourg. C'est pour ça que Keller va peut-être viser plus grand. C'est à qui mettra le plus au niveau national. Oui. Non, je pense que, effectivement, Keller, il a pris Stéphan parce qu'il lui ressemblait. Tout simplement. Stéphan est plus beau quand même. C'est... Ah non, en vrai, il est beau, Stéphan. Il est plus grand en plus que ce qu'on pourrait croire. Peut-être au niveau du style aussi. Ah, ça, je sais que ça déchaîne les passions. Parce que Marc Keller, bon, c'est chemise polo. C'est vrai. Julien Stéphan, bon, alors à Liverpool, il s'est adapté. C'était le club-like, quoi. Il y a la police de la mode de la tribune qui a commenté toutes les tenues de Julien Stéphan. On en parlait dans Radio Stub aussi, hein. Bien sûr. Sur le Stub, partout, hein, d'ailleurs. Il y avait la tenue d'Eric, il y avait la tenue belge. La tenue d'Eric. La tenue Belmont. Non, mais. Et voilà. Ouais, donc la journée supporter, on parle du maillot. On peut parler du maillot. On peut parler de cette hype du troisième maillot. Ouais, alors voilà. Alors quand je dis hype, comme dit, j'étais tranquillement un peu comme notre ami Kittel en train de boire une bière, en train de me poser des questions, qu'est-ce que je foutais là? Et je vois, mais littéralement autour de moi, des hordes de personnes portant le nouveau maillot numéro 3, que je découvre du coup en direct parce que j'étais pas arrivé en retard aussi, j'avais pas vu la présentation. Et je vois que la file d'attente, les mecs sont là, ils sont dans la file d'attente pour la boutique, c'est ouais, troisième maillot, il est trop beau. Ouais. Et il y a eu que ça. Et sur les réseaux après, c'était la folie. Ouais. Ces gens, ils viennent torse nu au stade pour acheter le troisième maillot. Moi, je m'étais noté, le troisième maillot s'arrache comme des petits pains, mais le flocage s'arrache. Aussi. Oh, a priori, ce que j'ai compris, le logo est floqué. C'est un thermocollage de ouais. Ça. Et donc, du coup, le thermocollage, quand tu le laves un peu trop chaud, à mon avis, la colle, elle fond, et donc, ça ne se lave pas, un maillot. Et c'est quoi ce bordel? Les maillots sont plus en coton avec le logo brodé? depuis Hummel, on a... Que fait Daniel Echter? Le bordel! Depuis Hummel, ça n'existe plus. Le grand ancien. Mon bon monsieur. Mais c'est parce que... Si, alors, il paraît que celui qui était bien sur le Stub, c'est 2016. 2016-2017, saison de la montée. Oui, il était beau celui-là. Oui, et vraiment, il était encore brodé. Enfin, genre, c'était du vrai matos, quoi. Le logo était. C'est brodé, pas les maillots catalogues. Non, mais c'était humain, ça. Ouais. Mais c'est aussi, le dernier les trucs imprimés dedans, apparemment, les sponsors imprimés dedans. Dans la masse. Imprimé dans la masse. Mmh. Et ça, c'est bien. Ça a été fait ailleurs. Chez les Ultras, ils ont sorti un dernier t-shirt comme ça, imprimé dans la masse. Et ben, forcément, t'as moins de problèmes quand tu l'as. De disparition. Eh ouais. Et coup, non, mais à part ça, stylistiquement, où il a un petit côté. C'est un beau troisième maillot. Voilà. T'as un Winamax blanc. Il est sympa. Il y a intégration. Figurés, ouais, voilà. Intégration des sponsors. Et tous les sponsors sont blancs. Même le ES. Il n'y a pas de ES comme ça. Il n'y a pas d'ES sur le troisième maillot. Et sur le premier? Il y a un S avec une feuille verte. Oui, bon, ça, avec ça, depuis 15 ans. Ça ne change pas, ouais. Oui, et encore, je trouve que le Wurt blanc, Oui, il est moche parce qu'on le reconnaît plus. Donc moi, je vais peut-être acheter l'extérieur parce que on a le bleu, blanc, rouge, on a le Wurt rouge et le Winamax rouge. Mais le message caché de ce maillot, ce troisième maillot, c'est que Marc Keller veut nous asseoir comme les All Blacks. Ouais. Est-ce que c'est mieux qu'un maillot rouge? Il y a quand même du qu'on a utilisé quoi à trois là-dedans. L'idée du truc, et ça a été dit par le directeur marketing qu'on ne citera pas, dans un reportage sur une nouvelle chaîne locale qu'on peut citer. On ne citera pas. Sur le canal combien? L'ancien 30. Ouais, c'est ça. Moi, je la trouve pas sur ma télé. Bon, on en parlera sur Radio Stouff Plus. Mais en tout cas, le directeur marketing avait été cité et il disait que c'était la volonté, encore une fois, de conquérir un nouveau public et que ce soit un maillot qui peut être porté tous les jours dans la rue, comme du streetwear. Bon, ça c'est comme un peu de la branlette parce que oui, c'est ça. Parce qu'un maillot rouge, tu peux pas le porter A priori, non. Ah, okay. Parce que d'après ce qu'il disait, là, ça fait vraiment plus portable dans la rue. Bah, tous les jours, je vois des gens qui ont un maillot bleu du Racing, le vrai. Ouais. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que maintenant les gens qui achètent un maillot achètent le troisième maillot, n'achètent pas le premier maillot qui est beau. Ce qui les gens achètent aussi, et ça c'est surprenant, ils achètent les maillots de gardien. Mais les maillots de gardien, style vert, rose, orange, jaune, ce Doukidja. Parce qu'on a qu'il avait avec la photo sur laquelle pose Riyad Boulbouz aussi. Non, parce qu'on a eu des maillots déjà noirs avec des flocages bleus pour les gagnants. On a eu ça. Et là, à la journée des supporters, j'ai été choqué. J'en ai vu vraiment beaucoup de maillots de gardien. Les gens achètent ça. Non, mais le mec, ils achètent les gants aussi, ils se baladent avec des gants. Donc voilà. Voilà sur le maillot. Et attends, on a oublié un truc. Ah, il y a la BD. Oui, mais personne ne l'a lu. Alors moi, je voulais l'acheter, et finalement, ça m'a fait chier. Donc, je l'ai pas acheté. Parce que Gigus détient une bibliographie pratiquement intégrale de tous les ouvrages consacrés au racisme. Ah, j'avais pas mal. J'essaie de copier à tort aussi. Il y avait la BD du centenaire. Vous avez Dallas Villers? Moi, je cherche. Aussi. Ah, mais je peux te le vendre, j'en ai deux. Ah, Radio Stouff Plus, faudra une négociation. Ah. Donc, ouais, il y a eu une BD qui est sortie, là, visiblement, avec deux dessinateurs différents dans la BD. Ce qui est déjà assez paradoxal. Et a priori, du coup, il y a certains joueurs qui sont dessinés sur deux traits de crayon différents. Et du coup, on a du mal à identifier que l'un est l'autre. Thomas, c'est le pendu avec trois bras, enfin avec le bras et deux jambes. Et d'autres, c'est graphique. Bon, c'était pour faire un peu une opération, mais ça a été un petit peu bâclé, comme souvent. Mmh. Et donc, c'est pas une réussite incroyable. C'est pas vraiment genre... Tu prends un dessinateur alsacien, fan du Racing, et tu lui demandes de faire une BD sur le Racing. Jacques Martin, peut-être. Ça aurait eu du sens, quoi. Mais là, c'est pas le cas, c'est un truc comme... Des aventures de 9 francs au Racing. Bonjour, Jean-Claude, tu fais du dessin, fais-moi une BD sur le Racing, je te donne quelques éléments pour faire une histoire. Ouais, c'est ça. On peut parler de toutes les choses qui ont été commanditées récemment. Attends, juste pour finissons sur la BD que tout le monde a lu. Non, mais sans l'avoir lu, je me pose quand même la question. Voilà, tu peux dessiner la BD, là. Ouais, c'est parfait. Juste sans avoir lu la BD, je me pose quand même la question. Là, l'histoire, c'est que ça revient sur le Racing post dépôt de bilan. C'est ça. Et on sait très bien, nous qui avons vécu cette période, Radio Stouff a connu cette période. Effectivement. Qu'il y a eu quand même des passages qui sont un peu ambigus. Bah, sujet un peu ambigu, c'est carrément sombre. Luznac. Je parle déjà de la période de Citerlé. Oui, bien sûr. Oui, la première année. La première année, où Marc Keller n'est pas là. Je sais pas si dans la BD ils le mettent pour écrire l'histoire ou pas. Bref. Non, le récit fait des polluants. Ah, Marc Keller reprend le cœur. Apparemment, Citerlé n'est pas forcément. Il y a l'organisation effectivement du match à Rouen-l'État. Je suis pas sûr qu'ils mettent Romain Giraud qui négocie avec la préfecture, parce que ça peut retomber dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait non plus les allers-retours entre Paris et Strasbourg de Marc Keller et d'Albert Gemrich. Enfin voilà, bref. Pour Luznac, voilà. Donc il y a des périodes qui sont assez sombres. Je suis pas sûr que dans une communication. Je m'engage solennellement à acheter la BD avant le prochain Radio Stouff. Voilà. Et on fera une lecture commentée. Le hors-série. Page 2. Marc Keller, le roi des... Page 2, François Keller. Voilà. Oui, page 2, François Keller. Alors, la BD, c'est fait. Le supplément hors norme, quelqu'un a reçu, à part ta femme? Je l'ai reçu après, dans des envois séparés. Des passages très intéressants. Je ne l'ai pas eu. Je me suis vu en photo dedans. Je l'ai vu ce midi. Je suis en photo dedans. Donc, pour mes plus grands fans de Radio Stouff, je suis en photo dedans, il faudra me trouver. Tu pourras me dédicacer le... Peut-être même à deux endroits différents. Ouh. Peut-être même. Peut-être même. Qui sait. Donc, peut-être. Donc, très intéressant, c'est bien, c'est... Il y a des choses intéressantes. Je n'ai pas tout lu. Il parle du centre de formation. Il parle du centre de formation, il parle de plein de choses, il parle de l'actionnariat. Il y a tous les actionnaires qui ont un petit mot marqué l'air. Du tour de table. Pour chaque actionnaire, pour dire à quel point ils étaient formidables et personnalisés. Voilà. Et puis, par contre, du coup, ça va devenir comment dire, récurrent ce magazine, si j'ai bien compris. Je sais pas s'il y aura toujours des choses à dire. Alors c'est gratuit, mais il faut s'abonner. C'est gratuit, mais il faut payer. Mais c'est un ersatz de zut. Non, mais faut payer, c'est 40 euros par an. Oh putain. Pendant 4 numéros trimestriels plus la newsletter, 40 euros par an. Mais c'est un peu le magazine. Si tu veux le hors série, c'est 60 balles. Mais c'est pas que sur le racing, c'est un peu le. Oui, c'est le magazine. C'est le magazine. Il y a hors norme, après il y a. Hors du commun, c'est avec les hors de série, et donc le haut de gamme c'est hors pair. Hors pair plus. Ah, il y a les Sons of Anarchy. Et là, du coup, il y a les invitations régulières aux événements de nos partenaires, et ça coûte 80 euros par an. Je me demande si les membres de Racing Plus se font pas spoiler cette affaire, ou si c'est inclus. Mais c'est pas que le Racing, encore une fois, tu peux aller à la SIG aussi. Elite Plus. Bah, il y a UGC Cinécité, Opéra National du Rhin, TNS, Top Music et bien d'autres. Ouais. Bon, bref, c'est un peu de la merde. Non, tout de suite. Si vous voulez partir. C'est le genre blind test de la mi-temps. D'ailleurs, il y avait une question. Oui. Oui, tout à fait. Sur le show de la mi-temps. Un certain Nicox. Non, Sigur. Ah oui, Sigur, pardon. Qu'en est-il du dossier jeu potentiellement pourri de la mi-temps de la saison? Radio Stoub a-t-elle contacté l'équipe comme du RCS pour proposer un Stoub jeu? Alors, on a bien sûr contacté l'équipe comme du RCS, mais c'est pas pour leur proposer un Stoub jeu. Ils démissionnent. Parce qu'on a un jeu où on a déjà, pendant le confinement général, on a échafaudé 300 questions sur le Racing. Mais bien sûr, et les règles sont sur le site. Voilà. On aurait pu faire un palette line-up. Oui, c'est ça, avec les règles qui sont sur le site. Non, mais il y a plus simple encore. Et ça a été fait contre Cagliari. Il faut plus de danse de Storky, tout simplement, à la mi-temps. 15 minutes de danse ou de alors, Storky. Ou alors, j'ai une alternative qui pourrait plaire à tout le monde, qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Un quiz de Calcio 90 à toutes les mi-temps. Un Survivor. Ouais, sur trouver le match. Sur les 25 000 personnes. Et il donne le micro à chacun. C'est alors, dis-moi, c'est quoi ta réponse? C'est pas Covid. Et bonus, ce sera la dernière. Voilà. La meilleure invitation de Michel. Si jamais à 22h on est encore en train de faire le Survivor, tant pis pour la ligue. On a plein d'idées, mais plus sérieusement, tu refais le comme à l'époque, le Challenge Wanadoo, enfin les tirs. Challenge DNA, monsieur. Ou le... Non, Wanadoo, mais bon, maintenant ça serait Orange. Ouais, Challenge Orange, mais. C'était DNA tout au départ ou c'était d'abord Wanadoo et après DNA? Ouais, moi c'était Wanadoo. Pour moi c'est Challenge Wanadoo. Moi aussi. Peut-être pour la Challenge France Télécom avant, mais. Le PTT Challenge. Mais tout simplement, voilà, t'invites deux équipes de gamins, ils font leur tir au but et ils sont contents, ça ouais, suffit. Ouais, mais les équipes de gamins, ça ramène pas d'argent. À un moment donné, c'est une entreprise. Voilà. Écoutez. Non, mais le jeu de la mi-temps, il rapporte pas de l'argent. Bah, Top Music Top paye. Top Music a payé, bien sûr. Mais combien, genre 15 balles? 15 balles ou je rends balles? 15 balles, puis ça s'assème. Parce qu'ils mettent leur tir. Ils payent en s'assème, ouais. Bah, bien sûr. Donc, en plus, pour être massacré par Filzer. Qui part par-dessus. Donc ça changera pas. Voilà, ça va. Désolé, Sigur, ça ne changera pas. Voilà, mais les négociations sont en cours. Par contre, le jeu de Calcius se justifie à 13h pour les matchs de 13h. Parce que là, on peut avoir toute la journée devant nous. Oui, c'est ça. Et le match commence à 21h, c'est cool. Ok. En parlant de match, ça tombe bien. Y a pas un match samedi? Y aurait pas comme un petit match samedi qui se présente pour démarrer la saison? La réserve du Racing accueille la réserve de Sochaux à Rhino à 11h. Voilà. Où ça? À Rhino, au bac de Rhino. Et pourquoi? Bah, match amical de la réserve. Ah, c'est amical, ok. Oui, à 11h. Et forcément à Rhino. À Rhino. Bah, c'est un match amical, tu dois être patelin, donc à 11h à Rhino, et tu peux être à la Méno à 17h. Je pense au match amical de la réserve à Rhino à 11h, ça va déchaîner les passions. Alors, est-ce que la réserve à Rhino, il y a des éléphants aussi? Des éléphants. Ouais, réserve africaine. Ouais. Réserve à Rhino. Oh putain. Oh. Vous l'avez pas eu, monsieur. Hein. Non, il est trop tard. Voilà, il est trop tard. Donc Monaco. Monaco qu'on a vu hier contre PSV. Ah oui, j'ai même pas suivi du tout. Alors c'est intéressant. Mais non, c'est pas ce soir. Non, c'est hier. Partout. Un partout. Contre Van Nistelrooy. Ça, c'est bon pour nous. Van Nistelrooy. Un très bon attaquant qui s'appelle Luc de Jong. Oui, mais qui est assez âgé quand même. Ouais, mais qui est très très fort. Barça l'année dernière. J'étais. Donc, ils ont joué contre le CE de Philips, c'est ça? Et c'est ça. Ça a fait un partout. L'équipe corpo de Philips. De Philips. Okay. Il n'a plus Mario Götze qui est parti. Ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'on a à dire du match de Monaco? Ils ne joueront pas avec deux joueurs importants. J'ai vu le match. Ouais, Folland et Golovin absents. Ouais, et c'est surtout. Moi, je prends. Ils ne manqueront pas contre Strasbourg, vu ce qu'ils sont rentrés hier. Mais c'est très inefficace. Ils ne sont pas rodés. Ouais, c'est pas rodé, c'est très pareil, à Monaco, vaut mieux les prendre à la première journée qu'à la 15e. Et surtout, il y a beaucoup d'espace derrière. Donc ça, ça peut être très intéressant pour des joueurs extrêmement rapides que sont Ludovic Ajor qui habite. Ajor qui est rapide. Non, je pense que c'est l'équipe à prendre en début de saison de Monaco, et surtout dans cette double confrontation contre le PSV, où clairement le match, la priorité, ce sera pas Strasbourg à la Méno. Voilà. S'il sacrifie un match en début de saison, c'est celui-là. Ah, c'est clair. Et c'est clair et net. Jouer à la Méno 17h sous 40 degrés, ou je sais pas comment il va faire samedi. Effectivement, les mecs, ils vont pas, si jamais ça se passe pas bien, ils sont menés 2-1-0 à la mi-temps, ils vont peut-être pas forcer comme des maboules. Ah non. Ça va être un match, Strasbourg peut battre Monaco, vu ce qu'on a vu l'an dernier, avec le même effectif, ça peut passer sans problème. Après, c'est le début de saison pour les deux équipes. Monaco a eu un match à haute intensité avant. En termes de mercato, Monaco, ils ont chamboulé leur équipe ou c'est surtout l'attaque ils ont perdu Tchouaméni. Ouais. Surtout l'attaque. Mais Fofana a fait un très très bon match. Youssouf Fofana a fait un excellent match hier. Ils ont recruté des attaquants. Ils ont Minamino qui est à Liverpool l'an dernier, un japonais. Ouais. qui est pas mauvais, qui est pas exceptionnel non plus. Mais est-ce qu'ils ont, fondamentalement bouleversé l'équipe? C'est la même stature. Tu vois, parce que Nice, qu'on va rencontrer, eux, ils ont quand même fait des plus grosses manœuvres, j'ai envie de te dire, et c'est toujours bien de les avoir, effectivement, les équipes qui font les grosses manœuvres, les avoir en début de championnat. Ouais. C'est sûr que Monaco-Nice, tu regardes sur le papier, tu dis, putain, pour démarrer, c'est quand même des équipes qui vont être dans le top 6, a priori. Ça fait chier, mais le fait de les avoir tout au début, moi, je pense que t'as un coefficient pondérateur là-dessus qui fait que, je veux pas dire qu'on va gagner les deux matchs, et peut-être même qu'on va avoir zéro point en deux matchs, mais ce que je veux dire, c'est quand même le moment de les prendre, quoi. Parce que Nice a changé d'entraîneur, Nice, effectivement, beaucoup de nouveaux joueurs. Changé de gardien. Ils ont pris Peter Schmeichel, le mec est un peu vieux, quand même. Il a signé, là, à l'instant, au début de Radio Stube. Mais quand t'as deux Casper dans l'équipe, ça compte, il y a un bonus, c'est quoi? Mais effectivement, c'est incroyable. Effectivement, t'as Monaco qui sera entre les deux confrontations de Ligue des Champions, et t'as Nice qui a complètement bouleversé. Nice qui essaye de recréer Stoke City, genre sur la Riviera, avec Ramsey. Ouais. Après, t'as même Reims qui change pas mal et qui recrute avec plusieurs nationalités différentes. Reims, de toute façon, c'est la tour de Babel. Ouais, c'est encore pire. Mais... ils ont recruté un Anglais, un Japonais, ouais, Balogun de Arsenal, prêté. Ah ouais, c'est pas celui, le Nigério. Nigérian-anglais ou anglais. Au de Mainz. Léon Balogun. Il était à Middlesbrough. C'est pas le même. Mais en tout cas, c'est des profits qui viennent de partout, de la suite de partout. L'an dernier, c'était Ekitike qui leur sauvait un peu la mise. Cette année, ils l'ont plus. Donc, c'est mais ils ont Zenelli que nous ont convaincu aussi. Ouais. Et qui est bon. Qui est un bon joueur. Mais voilà, Reims, t'as pas mal d'incertitudes aussi parce qu'ils ont été chamboulés. Donc t'as tes trois premiers matchs finalement. Et après on ira à Auxerre pour. Auxerre t'as Furlan. Alors là merci la Ligue, on peut le dire, parce que c'est quand même très rare le mettre un samedi 17h. Bah c'est comme Monaco. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, alors, en Monaco, horaire, pour un déplacement Auxerre samedi 17h, mieux c'est pas possible. Plein, et c'est fin août, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même rentrés, enfin je l'espère. Et tu peux faire des vacances en Bourgogne. Malheureusement. Oui, c'est ce que. Sauf ceux qui travaillent le samedi matin. Oui, ça évidemment, ouais, ils ont toujours des. Je serai baisé et ma collègue. On peut être ensemble. Je te le souhaite. On peut être en Auxerre en 4 heures. On va baiser ensemble. D'accord, je te le souhaite. Alors, sinon, on peut être en Auxerre en 4 heures. En tout cas, je te le souhaite. mais voilà. Donc, c'est vrai que là, un déplacement à Auxerre fin août. À samedi 17h. Je le trouve ce mois d'août, qui est quand même un mois important pour lancer la saison. Pas si mal que ça. Donc on peut faire 3 fois 4, 12 points en... N'exagère pas tout de suite. En fait, je pense que le maintien sera déjà acquis. Si on a déjà 6 points à la fin du mois, moi je serais déjà... Sachant que Nantes est aussi le 31. Faut toujours débloquer. Nantes qui joue l'Europa League et qui aura pas de tour préliminaire. Ils sont juste nuls. Donc en fait, oui, ils entrent les bas aussi. Ouais, ouais, 15 points. Ils vendront Blas le 29 et nous, on les joue le 31. On les joue le 31, donc là, t'as Mojibaya qui fera le mercato à fond. Ils seront pas dedans. Hein. Oui. Non, ils vont recruter des joueurs en D2 belges avec 50% de commission. Libombé et machin chose. Libombé, on en parle aussi ou... Non, on en parle pas. C'est exceptionnel. Quoi. Donc c'est pas si mal. Donc vous êtes quoi, je sens quand même une certaine confiance de la part des radios chutistes. Pourquoi pas champion de France. Prochain épisode, on aura 2 points. Et non, moi je miserais sur... On a quoi? On a 5 matchs? 5 matchs en août, ouais. 5 matchs en août, je sais 3 pas. 3 à domicile. Allez, il y a eu 8 points, ça serait pas mal. Ah, 10 points, c'est... 8, moi je m'en... Roulian, 8 points. Voilà. D'accord, 10 en fait, points. On a très mal commencé la saison dernière. Non, moi je dis 15. 15? Rien à foutre, 15 points. Non, on avait 3 matchs à domicile en plus. Moi je dirais 12. Bidon, hein. Je dirais 12. 12 points pour Luki. Ouais, je dirais 12. Non, moi 3. Voilà. On perd contre Monaco, on perd à Nice, on gagne contre Reims, on perd Auxerre, on perd Florent qui fait des points dans le podcast. Non. Si on perd ce coup. Et toi? C'est le seul qu'on perd. Alors, 4. Florent casquette à l'envers. 8. Ah, comme moi. De 3 matchs, mais pas de défaite. Non, on perdra aucun match cette saison. On sera un inclus. Les invincibles. Record de 10. C'est ça. Mais genre avec 30 points. que des matchs nuls. Mais c'est vrai qu'avec 38 points et que des matchs nuls, tu te maintiens pas forcément. C'est ça. À 4 descentes, oui, tu te maintiens pas. Ça dépend. T'as 66 points et tu vas pour en Coupe d'Europe. C'est quand même fou. Après, c'est difficile de faire que des matchs nuls si t'as une équipe comme Bordeaux dans le championnat. Mais la saison dernière, t'avais pas vraiment de ventre mou. Le ventre mou, ça s'appelait Montpellier, c'était un trou noir. Et sinon, le reste, c'était soit des très bonnes équipes, soit des équipes moisies, mais nulles. Il y avait un peu Reims aussi. Oui, Reims était nul. Reims, ils sont sortis du trou noir. Et ils sont enfin dans du et Angers, ouais, Angers, ils étaient au-dessus du trou et ensuite ils sont rentrés dans le trou en deuxième partie. Exactement. Voilà. Donc il y avait des équipes un peu comme ça qui. On a fini les questions. On a fait le SER. J'ai quelques questions de Mitel. Donc Slide, c'était fait. On a fait plein. Ultra 67. Genre aussi, on va quand même citer tout le monde, tous nos fans. Allez. Ultra 67 qui nous demande: Abdoul a-t-il déjà la grosse tête? Ah, Ouattara. Prêteriez-vous Candil suite à la bonne prépa? On y a répondu. Ouattara, toujours pas reçu le cadeau abonné. Donc Abdoul Ouattara a-t-il la grosse tête? Toujours pas signé, c'est ça? J'ai posé la question à un dirigeant du centre de formation. Toujours pas de nouveauté. Jamais qu'il est parti en vacances. Il est rentré de vacances. Il a fait la reprise avec le U19, alors qu'il aurait pu faire la reprise avec l'équipe pro de Stéphane s'il n'avait pas fait le con. Enfin, si papa n'avait pas fait le con. Et en tout cas, il a repris que la U19, ça n'a toujours pas avancé. Il a changé d'agent. Il est chez Rogon. Donc tout va bien. Donc il va signer au final. Ok. Il y a une thématique commune à deux questions avec Oli Cool. Que devient Edgar Loué? A-t-on retrouvé le ballon qu'il avait dégagé au-delà de la tribune nord? Merci. Contre Litex. Ça devait être un tir. C'était le Litex. J'ai un souvenir de ce coup franc. Je crois que c'est sur la photo, la première photo du télescope, là, tu vois, dans l'univers. Oui, il y a un petit point qui brille, c'est la balle. Et dans le même ordre d'idée, Speedy 67, c'est un peu plus ancien. Était-ce le même ballon que celui que Zeliaskov avait dégagé de sa ligne de but au-dessus de la tribune ouest, donc ça, ça nous a c'est l'ancienne 86. C'était la nouvelle. Il a peut-être pété un carreau là-haut. Ouais. D'ailleurs, pourquoi on ne recrute plus de Bulgares? Y a-t-il un rapport avec le yaourt? Il y avait Rangelov et Gargan. La filière, c'est Rangelov qui était pas mal aussi. Qui a fini. Qui jouait encore la saison dernière? Et il a joué en Liga. Il a joué à Dortmund puis à Energico de Bus. C'est une légende. Ouais, c'est une légende. On a encore deux questions de Nicox. C'est côté tribune, quels sont les changements cette saison? Donc on peut lui répondre. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun changement. C'est les mêmes capots. C'est Giguez qui écrit les côtés tribune aussi. Question intéressante, comme on a fait un jour de pronostic de points pour le mois d'août, Nicox nous demande une jour de prédiction sur qui sera le joueur de la saison. Ah, intéressant. Ouh, ouais, ça c'est une vraie bonne question. Là on sent qu'il y a différentes. Parce que d'habitude tu envoies des questions de merde, mais celle-là elle est bonne. L'année dernière, c'était Persic à la fois sur le baromètre du Stoub et Gilbert sur les réseaux sociaux qui a la juxtaposition de toutes les moyennes machin de tous les matchs Pondé, comme Persic, pour des réparateurs qui montent les joueurs et tout. Bah oui. Parce que Perisic, il a toujours été moyen plus, donc il était toujours dans le plus. Il était constant. Voilà, il était constant. Alors qu'il y avait des joueurs un peu plus au-dessus, mais qui étaient. Mais c'est le baromètre récompense la constance. Voilà, bon, c'est comme quand Grimm a eu le baromètre à la place de Boutaïb. Un ou de Boutaïb, oui. Voilà. On voit que le baromètre, qui sera le joueur, sachant qu'on a peut-être pas, on connaît peut-être pas encore tous les joueurs. Il y a peut-être saison, pas hein, c'est peut-être Franck Honora. Enfin, bref. Non. Jesse de Minguet. Jesse P. Il y a une question aussi de Super Dohu. Peut-il recruter Jesse de Minguet ou laisser la place à Diarra? Ah, Big Diarra, ouais. Diarra, il a mis un coup d'épaule contre Cagliari. Avec l'espèce de joueur de merde. Videur du living room. Ouais, c'était ça. Il a dit tu dégages. Les baskets, ça va pas être possible. Très pas très bon potentiel. Ouais, là, il est très fort. Et lui, il a signé. Et lui, il est pro. Il a prolongé. Il a prolongé jusqu'en 2027. Il a joué une chaîne de la TNT en barbe. Ouais. Moi, j'ai mon profil pour le joueur de la saison. C'est Perisic. Alors non, pas cette année, l'année dernière, c'est Niamsi. Pour moi, ça va être Niamsi. Je pense que ça va être la révélation, pour la prochaine grosse vente du Racing mercato suivant, ça va être Niamsi. Ça va être c'est le Kalidou Koulibaly de la Crimée. Breton. Il va mettre un but de la tête enfin parce qu'il a eu 12 000 occasions contre Rennes. Un jour, il va en mettre un. Quand il déchire le poteau sur un coup franc, j'avais vu le résumé récemment. C'est lui il méritait un but cette année. Ok. Ouais, le premier contre Monaco. Donc à tort aussi sur Niamsi. Niamsi. Ouais. Mais c'est un peu trop facile. Tout le monde dit ouais, je suis d'accord. On arrête l'émission. Habib Diallo. Oui, non, mais Habib Diallo. J'allais dire comme à tort, Habib Diallo. Ah, j'ai pas le droit de mettre le même truc. C'est le premier qui dit c'est Diallo. C'est juste Julien Perse là. Juste pour faire chier Kittel. Habib Diallo. Oui. Alors attends, je vais faire Chirouya. Je vais dire Colin Dagba. Ah, mais ça me ferait tellement plaisir de mourir. Parce que Colin Dagba, il a montré qu'il était au PSG l'an dernier. C'est pas n'importe quel PSG. Ça se trouve, le mec sera plus jamais le pain d'air SG. C'est bien, j'aime bien, c'est audacieux. J'aime bien cette. Kittel. Il n'y a plus de choix. Ah, c'est chaud. Non, mais il y a un joueur. Ouais, Bellegarde qui se transforme, voilà, qui va mettre 7 buts, qui va être enfin. Qui sera décisif dans les endroits où il doit être. En fait, c'est tout ce qui lui manque. C'est d'être décisif. La confirmation, quand même, c'est. Non, mais ça commençait un peu à poindre. L'accélération, il a tout ça. Il a tout. Il a l'endurance. Je me rappelle son premier match contre Haïfa, où il faisait le même temps que ce soir. Où il se fait sortir à la 60e, je sais pas, il devait être cramé. La méno se lève, applaudissements pour ce joueur. Mais c'est surtout qu'en match amical, juste avant le match contre Haïfa, il fait une roulette contre Toulouse en match amical où il fait un grand pont sur une roulette. Ah oui, à sa réunion. Et il fait un grand pont sur une roulette. Et là, je me suis dit, ah, ce joueur, il a quelque chose. Et en fait, c'était pas un cerveau. Voilà. Oh. Mais il avait d'autres. Julien Stéphane. Vous avez Frankenstein, c'est la créature. Ça peut être, alors, j'ai changé, plus sérieusement, ça peut peut-être être Ibrahima Sissoko. Oh, Ibrahima Sissoko. Cinquième saison chez nous, non? Cinquième saison, mais Ibrahima Sissoko. Toi, tu choisis Sissoko. Bah, attends, je récupère Niamsi, alors, si. Ah, non. T'as choisi quoi, toi, Yannou? Non, toi, t'as pris Niamsi. Non, c'est pour Yannou. Moi, j'allais dire Matsels. Oui, zéro risque. Bah là, surtout, je pense que ce sera pas le cas, mais Note-le. Ouais. Non, mais donc, en fait, on a un putain d'effectif. On a un putain d'effectif en sachant champion de France. Clairement. Bah oui. Clairement, champion. Non, mais on a un effectif. on a un effectif cohérent. Et en fait, la plupart des clubs de Ligue 1 n'ont pas un effectif aussi cohérent. À l'image cohérent de Lyon, où t'as de Lacazette et Dembélé, je sais pas qui devant. Et t'as Jérôme Boateng derrière. Voilà, qui en fait, c'est. Avec son Youpala, il arrive plus à avancer sur le terrain. Non, mais plus sérieusement, c'est ça qui a fait certains bien du monde, mais avec le Youpala. Faites-vous l'image. Bon. C'est la question suivante. Non, il y avait une question que j'avais envie d'aborder. On va finir là-dessus. Samash, ouais. Qui nous demande à quoi sert la DNCG. Ah, et peut-être que c'est un rapport avec ces petits deux bordelais. Les Girondins de pain d'air. Les rondins de bois, là. Bah, la DNCG a fait son boulot pour Bordeaux. Ils ont constaté que c'était irrégulier, donc ils ont prononcé. Et derrière, bah, ça a eu des suites, hein, c'est tout. Normalement, mais quand un mec il est à terre, tu l'achèves, quoi. Bah, le problème, c'est que ça tient un peu de la. en France, t'as de, ce qu'on n'a pas en Alsace, par exemple, droit local, t'as le tribunal du commerce, c'est des commerçants qui gèrent ça, c'est un peu de l'entre-soi. Oui, c'est des privés. Voilà. Donc, eux, le tribunal du commerce de Bordeaux n'avait pas intérêt à ce que les Girondins déposent de bilan. C'est des fournisseurs. Parce qu'ils perdent toutes leurs créances. Donc, ils ont maintenu ça, ils ont donné un bilan, une décision favorable à Bordeaux, parce qu'en plus, Gérard Lopez a fait quelques petits tours de passe-passe. Il faut quand même avouer que sur le dernier passage, ils avaient une situation moins catastrophique qu'au premier passage. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, leur créancier... Mais c'est surtout pas Lopez, c'est surtout les créanciers qui ont mis la main à la poche. C'est ça. Et là-dessus, il est bon, il leur a dit, pieds et poings liés, les mecs, si vous voulez récupérer le moindre centime un jour, il faut refaire un effort. Ils auraient très bien pu lui dire... Va te faire faire tes profits, on se barre, on prend ce qu'il y a à prendre, on prend l'argent des transferts qui était pour nous, on prend l'argent des transferts qui était fait sur Koundé. Moi je l'aurais pris, hein. Tchouaméni. Voilà, et je prends ça et le reste, je fais une croix dessus et machin, et je laisse couler. Et ils ont préféré prendre le risque de meilleure fortune. Mais moi je trouve ça profondément hallucinant que les gens, enfin les fans de Bordeaux gobent absolument pas tout. Pas loin de tous. Non mais bien sûr. Mais c'est quand même fou. C'est quand même dingue. Mais ils s'attachent au fait qu'ils veulent juste pas les voir crever. Mais finalement, c'est pareil chez nous. Parole de Strasbourgeois, on peut vraiment dire que c'est vraiment le mieux qui pourrait leur arriver. Non, mais c'était pareil chez nous. Il y en a eu chez nous. Et évidemment, mais même nous, à certains stades, avant qu'on prenne conscience, on se raccrochait à n'importe quoi. Il y en a certains qui ont même cru à Thomas Fritz chez nous, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a avec l'énergie du désespoir en se disant « Putain, faut que même ça marche, j'ai pas envie de Thomas Fritz s'est cru à Thomas Fritz, moi. Non, mais je veux dire, il n'y en avait plus grand-chose, mais il y avait les Greffes à l'époque. Sébastien Greff Sébastien Greff. Il y avait ce projet de reprise, c'était voué à l'échec. Mais t'avais encore envie d'y croire. Enfin, il y en a quand même beaucoup, on était sur le dépôt de bilan. Mais le grand public avait encore envie d'y croire, n'acceptait pas de repartir en bas. Et moi, je comprends les beaucoup de supporters bordelais qui se disent « Putain, c'est pas possible, on va pas repartir en National 3. » Donc, ils se raccrochent à n'importe quoi. Même si c'est de la merde, ils se raccrochent à ça. Ouais, mais bon, en fait, ce qui est con, c'est que Bordeaux, il n'y a personne dans leur stade. Ça ressemble vraiment au Racing d'il y a 15 ans. Oui. C'est vraiment le même cas de figure. T'as plus personne au stade, t'as un désamour du club. Là, ils ont fait une marche de la survie ou je sais pas quoi, où il y avait 4000 Pékins. Oui, 4000. C'était ridicule. On était pas beaucoup plus nombreux, hein. Oui, mais en fait, oui, mais on n'a jamais fait de marche. Mais ça se recrée. Le désamour, il était profond à Strasbourg depuis des saisons, enfin des années et des années. C'est là, à Bordeaux, t'as quel joueur à qui les supporters peuvent vraiment s'identifier? Alain Giresse. Le seul, oui. Non, mais le seul à qui pouvait s'identifier l'an dernier, c'était Benoît Costil. Parce que c'était un gars qui était là depuis longtemps, parce que si, parce que ça, c'est le seul qu'ils ont traité comme un traître et comme un vaurien. Mais sérieusement, enfin. Mais nous, à quel joueur on pouvait s'identifier avant le dépôt de bilan? Non, mais c'est, il y avait Sikimic. Paresse Bramit. Sikimic. Ouais, non, mais c'est. Enfin, c'est non, mais si on revient sur la DNCG, mais c'est. J'entends ce que tu dis. Le dossier est merdique, la DNCG l'a retoqué. D'ailleurs, ils ont fait des pieds et des mains. Ça passe ric-rac, mais ça passe. Ils finiront la saison. Est-ce qu'ils vont vraiment finir la saison? Ils vont finir la saison. Ils ont le budget. Ils vont sûrement pas jouer la montre. L'année prochaine, s'ils vont pas. National, je le maintiens avec leur effectif. Oui, ils sont nuls à chier. Non, mais. Et la DNCG a mis des sanctions là. Ils auront. Mais ils sont obligés de les respecter. Bah, s'ils respectent pas, l'an prochain, c'est pire. Et ils auront plus de possibilités. Enfin, les Français vont. L'année dernière, ils ont rien respecté. Ils sont à la DNCG les mains dans les poches. Et finalement. En fait, Lopez a joué. Il a perdu. Il a tout gagné là. Non mais il a tout gagné. C'est le seul qui gagne. Il est toujours en vie. Mais bien sûr, c'est le seul qui gagne dans tout ça. Après, mais c'est pas lui qui avait la créance jusqu'à ce. Mais à Lille, pareil. Maintenant il a repris une partie. Il a repris une partie. Il a pris 5 millions avec Joga Bonito. Je trouve ça quand même hallucinant. Lille, leur recrutement par rapport à il y a quelques saisons. Lille, ils ont quand même recruté Jonas Martin. Truc Zedatka de Clermont, je sais plus qui. Là, ils recrutent des gars de 3 millions en faisant passer ça pour on est sur le club du futur. Mais Gérard Lopez, il les a foutus dans une merde noire. Oui. Ils ont fait champion de France. Et ils l'ont viré comme une merde. Bon, ils ont fait champion de France à quel prix? Oui, à crédit. Mais à quel prix? À crédit. Voilà, le club, c'est plus rien, ça va. C'est comme le Racing. Après, Lille encore, je trouve, a fait un recrutement assez cohérent. Je trouve que c'est pas dégueulasse ce qu'ils ont fait cette année. Bah, avec des moyens limités. C'est cohérent, c'est pas pour un ex-champion de France, mais c'était pas mal. Ouais. Je peux pas trop dire du bien de Lille parce qu'il y a Sylvain Armand qui est une sombre merde. Ouais. Un ancien Rennais. Comme de par hasard. Ouais. Comme de par hasard. Soutien à Frédéric Antonetti d'ailleurs. Ce jour-là. Oh Bon, donc tout ça pour dire, on espère que les Bordelais vont Bordeaux est en Ligue 2, donc c'est très bien. Hein. C'est pas assez bien. C'est, ouais, c'est retour à l'envoyeur il y a 30 ans. On veut le meilleur pour eux, c'est-à-dire genre la disparition totale du football dans le 33. Et que certains... que le club soit Bayonne au stade Didier Deschamps. Qu'un Florian B ou qu'un... Un mec sur Twitter soit tondu à la libération. Un D33. Voilà. On a trop parlé de ces connards. Voilà exactement. Je crois qu'on a fait. On a fini les questions. Moi, en tout cas, j'ai fini les questions que j'avais notées. Parfait. On a presque fini les bières. Non, je déconne, il reste plein. Il reste en plein. Merci, ça pour ça. Vu le retour de Colmar en N2, on s'en fout. C'est un club ami. Moi, je préfère avoir un deuxième club alsacien de plus haut niveau, genre national. Une à minima, je pense que c'est bien pour la région. Ouais, j'aimerais bien que Lienard, quand il finit sa carrière, il rejoigne son copain Gremlins à Colmar. Et ce serait une belle fin. Ouais. Parce que c'est mérité. Et Grim, qu'on salue, qui est là-bas. Ouais. Voilà. Écrivez des articles sur le YouTube aussi. ça, c'est fait. Et envoyez des sioux, plein. Et des bières, plein. Aussi. Non, ouais, j'attends la mort d'un mec, mais bon, là, il y en a un qui est mort la semaine dernière, mais il n'était pas... C'était pas le bon. Ah, t'écris des nécros ? Ouais, je suis plutôt le nécrologiste. Ah, nécrologiste. Bah, là, sur ces belles paroles... On va parler de mort. Sur ces belles paroles, nous vous donnons rendez-vous bientôt pour le premier bilan de tous les pronostics. Après les 15 points. Après les 15 points, et bien sûr... Allez, vas-y. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.